one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Nous sommes réunis, mes frères, pour vous accueillir dans la basilique Fun Radio afin de procéder à l'office d'Enslor. Pourquoi il a un accent, ton prêtre? Ouais, parce que c'est un prêtre qui a un peu un accent, je sais pas quoi. Moi, c'est l'orgue de la fin qui m'a inspiré. Calvin Harris, à l'instant, avec My Way sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, vendredi, c'est le 23 septembre. Bonjour. J'espère que ça va bien. Merci d'être là, toute l'équipe de Bruno dans la radio. On va arriver chez vous, là, dans quelques minutes. On pète le feu, je préfère vous le dire. On vous a prévu une émission de ouf. Avec le son Dance Floor de Fun, on attaquera avec Sib. Dès 6h10, tout ou gagné, tout ou perdu, il y a un iPad mini 4 à vous offrir. Vous pouvez commencer à appeler maintenant là, pour jouer avec nous, 3228. Il y aura Chainsmoker avec Closer. Et le remix d'Eiffel 65, version 2016. Sound of Legend, I'm blue, da da da da da da da da da da. Oui, on connaît bien les paroles. Okay. On arrive chez vous, la famille, après les infos. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Et les toutes premières infos de ce vendredi matin, c'est avec Maxime Poulaouek. Salut Max. Bonjour Bruno. C'est un petit peu l'été indien. J'ai l'impression que ça se prolonge. C'était l'automne hier, mais il y a encore de belles journées là qui arrivent. Encore de belles journées de soleil jusqu'à samedi soir précisément. Du beau temps aujourd'hui sur la France, 12 à 16 degrés. Dans l'après-midi, on aura 19 à Brest et Lille, 23 à Paris et Nantes, 24 à Lyon et Perpignan, 26 à Bordeaux pour votre week-end. Donc demain du soleil une nouvelle fois et des températures agréables. Dimanche, un passage pluvieux traversera la France d'ouest en est avec une baisse du mercure. 500 millions de comptes Yahoo a piraté fin 2014. Le groupe américain de l'a annoncé qu'hier soir, le piratage serait lié à un État. Les pirates ont volé des informations personnelles, nom, date de naissance, adresse électronique, numéro de téléphone ou mot de passe. L'attaque massive ne concerne pas les données bancaires. Près de 5 milliards d'euros en jeu, la cour d'appel de Versailles se prononcera aujourd'hui sur la peine de l'ex-trader Jérôme Kerviel. Il avait été condamné pour des manœuvres boursières frauduleuses à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais surtout à rembourser une somme astronomique à la Société Générale. François Hollande sera lundi à Calais. Il rencontrera les forces de l'ordre et les acteurs socio-économiques. Ce déplacement interviendra dans un climat particulier sur fond de crise des migrants. Mardi, la construction d'un mur anti-intrusion sur le port de la ville a débuté. Le président français qui a reçu une lettre de Rihanna, la chanteuse américaine, a tweeté hier soir pour demander au chef de l'État s'il avait lu sa lettre. Elle lui aurait parlé du fonds de l'UNICEF pour l'éducation qui vise à réunir des financements afin d'offrir l'accès à l'éducation aux enfants à travers le monde. Le football, une nouvelle journée de Ligue 1. Ce soir, la 7e avec en ouverture Toulouse-PSG. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. 3 CD, 60 titres. La nouvelle compilation Bruno dans la radio sort aujourd'hui avec Fun Radio. Les meilleurs sons d'Enslor sélectionnés par la famille. Restez à l'écoute de Bruno dans la radio pour gagner votre compile ce matin. Il est 6h02. Bon réveil, c'est parti pour Bruno. Nous sommes le 23 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h02, bonjour! Bonjour! Oui, alors 23 septembre, certes, mais 23 septembre, quel jour? Oh putain, c'est vendredi! Ben oui, les amis, c'est vendredi! Allez hop, vous vous mettez le slip sur la tête ce matin pour partir bosser. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? On est en mode vendredi. Vendredi, j'ai envie de vous dire, tout est permis. C'est déjà pris? On me dit que c'est déjà pris dans l'oreillette. Oui, oui. Les amis, ce vendredi est une date spéciale, puisque aujourd'hui arrive dans les bacs la toute première compile Bruno dans la radio. Et que dès maintenant et jusqu'à 9h15, si vous allez sur Twitter et sur Instagram avec le hashtag Bruno Fun Radio, nous vous offrirons cette compile avec à l'intérieur ce qu'il se fait de mieux. Vous allez me dire le nouveau Pitbull ? Give me the green light. Avec Florida ? Eh ben je vais vous dire, il est dedans. Yeah. Vous allez me dire le nouveau Martin Garrix ? Il est dedans. La compile Bruno dans la radio sort dans les bacs aujourd'hui. 3 CD, 60 titres. Il y a Maître Gims, Richard Orlinski, notre pote Riab, Martin Solveig, c'est dedans. De toute façon, tout est dedans cette compile. Axwell Ingrosso, c'est dedans. Tout Jamo, c'est dedans. Benjamin Braxton, Sigala, Carlas Dream. La compile Bruno dans la radio dans les bacs aujourd'hui, on vous l'offre là, mais alors en non-stop, hein. Lâchez-vous sur Twitter les amis, hashtag Bruno Fun Radio. Vous êtes beau sur la pochette de ce disque, vraiment, moi ça me fait plaisir de voir vos têtes. Christina qui est toute en gaulasse attitude. Ben merci, bonjour. Si un jour j'imaginais voir ma tête, comme tu viens de le dire, sur une pochette d'album, ouais. Tu vois. Non, je suis fière. Hein. Ouais, c'est pas l'album d'un chanteur mexicain avec sa moustache. Hein, vous voyez, c'est bien Christina. Voilà. Vous voyez, c'est dans les rayons. Ça va, ma chérie ? Ça va bien, moi aussi je suis content de voir ma gueule sur un truc. Je sais pas si les gens seront contents, mais bon, moi ça me fait plaisir. C'est qu'après, souvent sur les albums, il y a un sticker, tu vois, genre la compile de Bruno de Radio qui est rajoutée ah, dessus. Oui. Et souvent, c'est collé à un endroit de la pochette, ça peut ouais. cacher ta tête ou celle d'Eliott. Ah ouais, on va voir. Moi aussi, je suis content. Je suis content, moi, surtout pour ma grand-mère. Hein. C'est sûr qu'elle avait acheté le disque à Super U. Elle va le mettre dans une armoire. Moi, j'ai une armoire à souvenirs. Je suis sûr que tout le monde a ça pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs grands-parents. On l'a fait en vinyle pour ta grand-mère. Allez, comme chaque matin, un auditeur de Fun Radio prend les commandes de l'émission jusqu'à 9h15. C'est l'auditeur du jour et ce matin, elle habite à Fontvieille. On est dans le département des Bouches-du-Rhône. De mémoire, c'est Coralie. Applaudissements pour Coralie. Et bonjour, ma famille. Bonjour. Salut, ma Coralie. C'est toi notre auditrice aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah, Coralie, oui. Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Écoute, j'ai 26 ans et là, actuellement, je suis en congé maternité. D'accord, ah, ça veut dire que tu vas accoucher ou tu viens d'accoucher? Je vais accoucher. C'est quoi? Un petit garçon, une petite fille? C'est une petite fille. C'est ta première? Oui. D'accord. Et c'est prévu pour quand? Dimanche. Ah bon? C'est-à-dire qu'au moment où on parle, il y a déjà un pied qui dépasse. Excellent. Ok. J'adore. Bah donc en fait, cette conversation peut s'arrêter à n'importe quel moment. Coralie, bon bah, c'est ton émission jusqu'à 9h15. Comme tu as la ligne directe du studio, tu peux nous appeler pour nous dire que tu perds les os. On pourra te passer à l'antenne en direct. Si tu as quelqu'un Bruno à prévenir. Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, pas encore. Non. Et puis Coralie, bah, tu as le droit de poser une question. C'est la question du jour. Poser une question oui. à n'importe qui de l'équipe qui est obligé de te répondre. D'accord. Et eh ben alors ma question c'est pour Christina et Karina Digby. D'accord. En fait, d'accord. Donc ma question ben, c'est est-ce qu'elles continuaient de faire l'amour durant leur grossesse? Parce que moi c'est le calme plat depuis 4 mois, c'est une catastrophe. Alors écoute, je sais pas toi Karina, mais moi mon mec était complètement bloqué par le délire, mais moi j'ai jamais eu autant envie de faire des câlins que quand j'étais enceinte. Mais j'avais envie tout le temps, tous les jours, et lui, il était bloqué. Donc, Non, mais c'est normal d'être bloqué, mais moi, j'ai une solution pour les mecs qui sont bloqués. C'est ce que j'ai fait avec mon mec. Nous, on a fait jusqu'à très tard, genre 8 mois et demi. Sauf qu'il était bloqué, et donc, du coup, moi, je lui bourrais la gueule. Je lui donnais de l'alcool, et je l'oubliais un petit peu, et puis voilà. Et ça marche très, très bien. Ah bah, tente ça, alors. Je vais tenter. Les conseils de Karina. Toujours un plaisir. Oui, vaché. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Hein. Ma femme est enceinte de 9 mois, je continue. Mais Eliott aussi, il ferait pareil. Je pense que à partir du moment où t'es en chien, franchement, c'est toute ta vie, quoi. Non, quand t'as envie, t'as envie. Moi, franchement, Bruno, ça m'angoisse. Genre, j'aimerais bien avoir un zizi télescopique, quoi. Bah, pour pas voir ma femme enceinte, je me mets dans la pièce d'à côté et je fais l'amour. Moi, je la vois pas. Les amis, vous voulez vraiment que l'on parte sur ça à 6h07 non. Sur les zizi télescopiques, donc. Okay. Tout est normal. Coralie, est-ce que tu as eu ta réponse? Oui, super. Merci, la famille. Bon, et tu prends soin de toi, ma chérie. Oui, promis. Je te fais des bisous. Gros bisous. Et bisous. Peut-être avant 9h15, tu pourras revenir quand tu veux. Bon, le toutou gagné, toutou perdu arrive dans quelques secondes. Vous appelez maintenant le 3228 ou le 02 85 10 000 si vous êtes en Belgique. Le temps d'écouter Sib et Brice, c'est sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. À l'instant sur Fun Radio, dans quelques secondes, Chainsmokers. Oh, et j'ai le bootleg du vendredi. Vous savez que le vendredi, en général, on vous envoie un son un petit peu remixé, un petit peu mélangé. Ouais. J'ai un truc, un choc des titans ce matin. Bootleg entre Madonna et Lady Gaga. Oh là. Avec le nouveau Gaga dessus, hein, Perfect Illusion. Je vous passerai ça peut-être avant 7h30. Chainsmokers qui arrive, dans quelques instants on joue. Il y aura un quiz de Christina ce matin. Quiz de Christina un peu spécial avant 6h30. Oui, en fait, les stars sont peut-être comme vous. Elles passent aussi parfois par des sites de rencontres. J'en ai trouvé quelques-unes. Donc je vais vous donner des noms de stars et vous me direz si oui ou non elles ont été ou elles sont sur des sites de rencontres. Ah, Angelina Jolie là, vient d'arriver sur Tinder depuis deux jours, a priori. Tiens, puisqu'on parle de stars... Ouais, les amis, c'est l'association la plus improbable du monde. Rihanna et François Hollande. C'est improbable, je sais pas, vous avez vu ce tweet ou pas? Non, c'est tombé hier soir. Donc Rihanna a envoyé « Est-ce que vous avez vu ma lettre ?» en taguant François Hollande. Hein. C'est un tweet qu'elle lui a adressé. « J'attends votre réponse. Nous avons besoin de vous. » En fait, Rihanna, donc je me suis un petit peu renseignée parce que je me suis dit, c'est quoi ce délire? En fait, Rihanna a vraiment fait une lettre donc au président français dans laquelle elle demande une aide pour offrir une chance d'aller à l'école aux enfants qui vivent dans des pays en guerre ou qui ont été touchés par des catastrophes naturelles. Donc ça part d'une super bonne cause. C'est une association qu'elle soutient et elle avait fait la même chose avec le premier ministre canadien il y a à peu près de ça quelques semaines, qui avait répondu. Sauf que lui, François Hollande, n'a pas encore répondu, donc elle commence à s'impatienter. Je pense que le coup de pression qu'elle lui a mis hier soir, à mon avis, il devrait répondre là dans le week-end, je pense. Mais ça se trouve, il n'avait pas vu. Il va être tout excité, c'est comme un fan sous sa douche. Il va être là. Bien sûr. Shine bright like a diamond. Peut-être qu'il va lui envoyer un tweet au-dessus. Il mettra. Allez, 6h13. Pour jouer avec nous ce matin, Romain, il a 27 ans, il est à Bordeaux, il est chauffeur routier. Applaudissements pour Romain. Bonjour Romain. Bruno dans la radio. Oh, Romain, chauffeur routier du côté de Bordeaux, tu livres quoi mon pote? Des panneaux de bois. Panneaux de bois, pour très les bien. Pour les usines de meubles, tout ça. D'accord, ok. Bon Romain, en arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner ton iPad mini 4. Je rajoute un appareil photo numérique. Je rajoute le casque Beats, puisqu'ici on aime bien le Beats. Et la compile Bruno dans la radio qui sort aujourd'hui. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. D'accord, mon pote? Ok. Mais pour les garder, il faut que tu répondes correctement à quatre questions que je te pose. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que tu es prêt, mon poteau? Je suis prêt. Première question. L'homme qui détient actuellement le record du pénis le plus grand du monde a un pénis de 24 cm au repos et 34 cm en érection. En l'espace d'un quart d'heure, on parle déjà deux fois de zigouigoui, les amis. Ah oui. C'est vrai que j'aime pas trop ça quand cette émission part sous le dessous de la ceinture. Laissons ça aux autres, ils le font mieux que nous. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Jonah Falcon, c'est son nom, américain de 46 ans. Bon, j'ai la photo sous les yeux, c'est gênant. C'est-à-dire que s'il se met en survêtement... Non, mais c'est un handicap à ce niveau-là. Disons que quand tu fais du sport avec lui, tu changes de vestiaire pour te changer. C'est ça. Bah, disons que s'il va chez Chausseland, il prend deux paires et demie, quoi. Chose du 42, là, visiblement. Tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Il existe officiellement un brevet médical qui explique comment créer une licorne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est quand même improbable, une licorne, je vais dire que c'est faux. Eh non, c'est vrai. C'est un brevet qui a été déposé en 84 par Monsieur Zell, qui explique par moyen chirurgical comment créer une licorne en transplantant au milieu du crâne d'un animal un bourgeon de corne de veau ou de chèvre nouveau-né. C'est horrible. Ouais, le mec est parti dans un délire, vraiment. Ça veut dire que tu perds l'iPad mini 4, mon pote. On joue pour l'appareil photo, le casque et la compile. Troisième question. Kev Adams qui sera notre invité lundi matin. Émission en public de ouf, lundi matin. Kev Adams, Gad Elmaleh, vous savez qu'ils sont réunis pour un spectacle qui va s'appeler Tout est possible. Les deux seront avec nous en direct. On a prévu 1000 surprises. C'est énorme. Et donc, j'ai une question sur Kev Adams qui a joué dans le film La famille Adams. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Bah oui. Mais la vanne me fait rire. Tu gardes l'appareil photo, la compile et le casque. Dernière question. La ville de Las Vegas aux États-Unis est éclairée par plus de 24 000 km de tubes de néon, ce qui correspond à plus de la moitié de la circonférence de la Terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vu toutes les lumières qu'il y a sur Las Vegas, je vais quand même dire que c'est vrai. Eh, c'est vrai. On y trouve d'ailleurs le musée du néon. Il y en a beaucoup qui vont là-bas. Ouais. C'est souvent connu pour ça, Las Vegas. Ça, c'est pas du tout la drogue, les prostituées, les machines à sous. Non, non. C'est vraiment le musée du néon. Romain, tu repars avec l'appareil photo, le casque et la compile. Super. On t'envoie ça vite du côté de Bordeaux, mon pote, d'accord? Ok, merci Bruno, merci la famille. On t'embrasse. Bisous. Ciao, ciao. La compile Bruno dans la radio, où il y a le nouveau de Chainsmokers, la Closer. C'est dedans. Et on vous l'offre ce matin, je peux vous dire qu'on en a une palette. Hashtag Bruno Fun Radio, Twitter, Instagram, vous pouvez être choisi et gagner. Voici les Chainsmokers. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Nouveau Chainsmokers à l'instant sur Fun Radio. Si vous entendez ce truc en vous disant mais ça me dit quelque chose, bah oui c'est normal. Tube des années 90. Eiffel 65, mais remixé en 2016, c'est Sound of Legend. On a déjà fait un remix nous avec l'équipe il y a quoi, il y a un an. Ça pétait dans les draps, ça pétait dans les draps, ça pétait dans les draps. Voilà, bon, bah là, c'est l'original qui a été un petit peu remixé. Ça va arriver là sur Fun Radio dans moins de 5 minutes. Et puis, chiffre du jour à 6h30. Et ce matin, dans le chiffre du jour, on apprend que l'on trouve des traces particulières sur 9% des boutons d'ascenseur. Oh là. Mais d'après vous, des traces de quoi? Je sens que je vais pas aimer. Non, bah non, je pense que c'est des traces de café. Parce que parfois, quand l'ascenseur s'arrête un petit peu trop vite, tu sais, t'as ton café dans la main et hop, t'as une petite goutte qui part. J'avais commencé de la même façon que toi, mais c'était pas fait. Et bah, on en parle, 32-28. C'est un truc qui est sorti là dans le magazine Marie-Claire. Oui, parce que je lis Marie-Claire. Bon, c'est vrai? Oui, parce que tu sais, des fois, quand tu vas aux toilettes, tu prends des trucs, et ben là, c'est tombé sur Marie-Claire. Et moi, je pensais que c'était fini, Marie-Claire. Non, mais ça non, marche pas du toujours. Tout. Ah, ils ont toujours une rubrique sur l'ameublement. Bien sûr, Marie-Claire, c'est soit Marie-Claire, soit Biba, soit Femme Actuelle. C'est les trois que je prends, quoi qu'il arrive. Ah, oh bah oui, Bruno, à la fin de Femme Actuelle, il y a les fiches cuisine, mais c'est pratique. Et puis, il y a les... je la déchire. Vous avez fait les tests de l'été? J'ai eu un maximum de B, apparemment je suis une femme jalouse et possessive. Oh là, je te jure. Bon, allez, quiz de Christina. Are you ready? si on faisait un truc marrant? Le quiz de Christina. C'est le quiz de Christina. Quiz de Christina, ça arrive de temps en temps. Moi j'aime bien, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur les people, mais en se marrant, en apprenant des trucs. Quiz de Christina, on a le droit de céder ou pas? Bien sûr Bruno. Bonjour Tiffaine. Hello, bonjour la famille. Bonjour. Bienvenue ma chérie, Tiffaine, tu es à Lille. Tu fais quoi dans la vie Tiffaine? Je suis praticienne en réflexologie plantaire. Je viens juste d'ouvrir mon cabinet justement. De la réflexologie plantaire? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine douce. En fait, dans les pieds, il y a 7200 terminaisons nerveuses. Et en fait, on aide les patients à aller mieux, à moins médicamenter et à les soulager dans la douleur. Tout ça, avec les pieds? Voilà. Super. Et, alors, et dis donc, tu dois tomber des fois sur des cas où il faut une pince à linge pour se boucher le nez? J'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai une bassine, j'ai du produit. Ah, bah, très bien. Maintenant, ça a été. Je te conseille pas, Elliot, quand même. Oui, bâcher. Moi, je trouve ça mignon, mais comment tu fais s'il y a un client qui arrive et qu'il a pas de pied? De pied, pas de soins. C'est pas gentil. Bon, Tiffaine, tu vas me filer un coup de main. On va déjà te filer la compile Bruno dans la radio, d'accord? Merci. Allez, on y va. Christina, on t'écoute. Alors, certaines stars donc, sont comme vous et sont déjà passées par des sites ou des applis de rencontres pour rencontrer l'amour. Donc, je vais vous donner des noms de stars, d'accord? Et vous allez essayer de deviner si oui ou non elles se sont déjà servies de ces sites de rencontres, ok? D'accord. Alors, je commence avec Katy Perry. Ouais. Ouais, je dirais oui. Bah, c'est aussi une bonne réponse. Effectivement, Katy Perry, elle est encore, même si elle est en couple avec Orlando Bloom, sur Tinder, mais c'est juste pour se marrer. Elle a jamais pécho grâce à Tinder, mais elle le fait vraiment pour se marier, elle adore ça. Mais t'imagines, t'es sur Tinder et tu te retrouves avec Katy Perry, je trouve ça. Tu flippes. Bah, tu matches déjà. Ah ouais, elle est obligée, hein. Même les filles, je crois. Hein. Et Olino, Tiffaine, tu te calmes. Hein, allez, une autre star. Nabila, à votre avis? Non, moi je pense pas. Oh non, elle est trop. Elle a trop d'arrogance pour aller sur ce genre de site, je pense. Alors, je sais pas si elle a trop d'arrogance, mais en tout cas, ça fait surtout très longtemps qu'elle est avec Thomas maintenant, donc elle a jamais utilisé ni Tinder, ni adopteunmec.com, ni Grindr, ni rien. Je pense que si elle s'inscrit, c'est un coup à se prendre un coup de fourchette par Thomas, un truc comme ça. Ils sont un peu tendus, ils sont un peu tendus dans le couple. Par contre, elle était sur escortgirl.fr, je crois. Allez, une autre. Britney Spears. Oh non. Moi, je dirais oui, moi. Pareil. Bonne réponse Bruno et Elliot. Effectivement, elle a été sur Tinder, là elle y est plus. C'est ses copines qui l'avaient inscrite en fait. Donc pareil, elle a jamais pécho, mais elle y a été pendant quelques mois. Je dois être le seul, hein, je pense, dans le monde. Moi, ma préférée de Britney Spears, c'est cette chanson. Il n'y a que toi. C'est pas celle qui a le mieux marché. Ben ouais, mais moi, c'est celle que j'aime bien. Sur le clip YouTube, il y a une vue. C'est lui. Allez, une autre. Mimi Mathy. Sur un site de rencontre? Ouais. Non. Oh non, elle est trop vieille. C'était son époque, c'était pas. Bah, je suis assez d'accord, surtout que ça fait un moment maintenant qu'elle est avec son mari et que tout se passe bien. Donc effectivement, non, elle n'y est pas. Une autre star, Norman. Vous voyez qui c'est Norman? Norman fait des vidéos. Ah ouais. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il a besoin de ça? Bah bien sûr, t'en profites. Eh ben oui. Bah bien sûr. Il est sur Tinder, il a déjà matché avec une copine à moi. D'ailleurs, faux. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Allez, une autre star, Adèle. Alors oui, mais elle prend deux pages. Oui. C'est le même délire que Katy Perry, effectivement. Elle est sur Tinder, elle prend pas de page bâchée. Mais pareil, elle dit que c'est là qu'elle puise l'inspiration pour ses chansons. C'est en allant sur Tinder, en discutant avec des gens, qu'elle puise son inspiration. D'accord. Donc, elle D'accord. est sur Tinder. C'est pour ça que ce sont que des chansons tristes, en fait. Peut-être, c'est peut-être ça, ouais, exactement. Et une petite dernière? Bah, Brad Pitt, à votre avis? Bah oui, depuis trois jours. Ah bah j'espère. Non, il y est pas encore, en tout cas. On va surveiller. Tiffaine! Bisous à tous alors. Eh ben on t'embrasse et on t'envoie la compile de Bruno dans la radio, d'accord ma chérie? Ouais, bonne journée. Bisous, ciao. Bisous. Et du coup en fait ça nous fait une bonne excuse pour notre meuf. On peut aller sur Tinder juste pour aller à la pêche aux stars, quoi. C'est professionnel. Bien sûr. Non, c'est pour Christina, je me charge de te trouver Katy Perry avant la fin de l'émission sur Tinder. Vas-y. Eh ben déjà tu nous la trouves à nous, tu vois ce que je veux dire. Vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, c'est le remix 2016 d'un tube des années 90 signé FL65. Voici Blue sur Fun Radio. Fun Radio, let's go. Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, c'est vendredi, c'est le 23 septembre. Alors on se fait un délire en général le vendredi, c'est qu'on vous sort un bootleg, d'accord, ou un mashup, un truc un peu barré qui passera pas d'habitude à l'antenne, mais c'est le mashup ou le bootleg du vendredi. Je vous ai trouvé un truc de ouf les amis. C'est vrai ? Avec le dernier Lady Gaga. Ok ? Ok. Et maintenant si vous êtes un peu vieux comme moi, vous allez reconnaître l'autre meuf qui chante derrière. C'est Madonna. Bien sûr. Papa Don't Preach. Ah. Bon voilà, ça c'est un petit cadeau, c'est pour ce matin. Je vais vous le mettre avant 7h30, ça passe nulle part bien évidemment. Mais c'est aussi ce que vous attendez en venant sur Fun Radio. Chiffre du jour, ça arrive dans quelques secondes, il y aura Major Lazer également. Et puis un petit moment happy là, qui arrive dans moins de un quart d'heure sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. L'actu de ce vendredi 23 septembre, c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo pour commencer ce vendredi 23 septembre. Une belle journée de soleil sur l'ensemble de la France avec encore des températures agréables. 12 à 16 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à 23 degrés au nord, 24 à 26 au sud. Marisol Touraine veut boucher le trou de la Sécu. Dans un entretien accordé aux Échos ce matin, la ministre des Affaires sociales estime que le quinquennat de François Hollande signera la fin des déficits sociaux. Le régime général de la Sécu a affiché un déficit de 17 milliards d'euros en 2011. Il sera à 400 millions de l'équilibre en 2017. Le président qui va se pencher sur la crise des migrants avec un déplacement demain dans un centre d'accueil de réfugiés à Tours en Indre-et-Loire, puis à Calais lundi. La construction d'un mur de béton anti-intrusion a commencé mardi pour protéger les accès au port de la ville. Un piratage de grande ampleur chez Yahoo, le groupe américain, a indiqué hier que 500 millions de comptes avaient été hackés en 2014. Les pirates ont volé des informations personnelles, nom, date de naissance, adresse électronique, numéro de téléphone et mot de passe. L'attaque massive ne concerne pas les données bancaires. Si vous comptiez prendre la voiture ce dimanche à Paris, c'est raté. La mairie de Paris organisera sa journée sans voiture de 11h à 18h. Un périmètre piéton touchera 50% de la capitale. Les autres voies seront limitées à 20 km/h. Il y a encore du football. Ce soir, le début de la 7e journée de Ligue 1. Le PSG aura l'occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire sur la pelouse de Toulouse. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45 sans Hatem. Ben Arfa écarté pour la 4e fois de suite par son entraîneur. Kungs, Major Lazer, DJ Snake, ces artistes figurent tous sur la nouvelle compilation Bruno dans la radio, disponible aujourd'hui dans les bacs. 3 CD, 60 titres, c'est à gagner dès ce matin avec Bruno sur Fun. Il est 6h33, bon réveil, bon vendredi. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord, on se met au boulot. Bonjour la famille, vendredi c'est le 23 septembre. Merci d'avoir choisi Fun Radio là pour vous réveiller. Dans quelques secondes, il y aura AMT. Call Your Name. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce vendredi 23 septembre. Et cette question que je vous posais tout à l'heure, quand vous prenez l'ascenseur, eh bien, il y a des traces particulières sur 9% des boutons d'ascenseur. Et je vous disais, d'après vous, c'est des traces de quoi ? Moi, j'ai déjà entendu le même sondage avec les cacahuètes. Est-ce que c'est pas de l'urine ? Genre, les gens, ils se lavent pas les mains en sortant des toilettes et donc, du coup, ils en foutent partout. Ah, c'est possible. Ouais. Les cacahuètes, ouais. Il peut y en avoir, mais à 9%, c'est un autre délire. C'est pas ça. Bon. Est-ce que c'est pas des traces de cacahuètes alors ? Des gens qui frottent les cacahuètes contre les boutons d'ascenseur. Et après, tu trouveras des traces d'ascenseur dans les cacahuètes, c'est ça que c'est ça, c'est ça. Sur Twitter, avec le hashtag Bruno Fun Radio, il y a Louis qui propose des traces de chewing-gum. Quoi ? Bah, non, genre, c'est... oui, si tu l'as pris dans ta bouche, tu vois, qu'il te reste un petit bout dessus, hop. Il y en a qui. Quand ouais. Moi, je mâche pas de chewing-gum. Mais ceux qui mâchent du chewing-gum, parfois ouais. Ils le triturent ouais. Avec les doigts. C'est ça, ils le roulent en boule et souvent après ils montent dans un ascenseur, ils appuient sur les boutons. Ouais, c'est vrai, ils font souvent ça les gars qui mangent du chewing-gum. Bonjour Benjamin, Fontenay-sous-Bois. Ah il est là, j'ai pas appuyé. Il est dans l'ascenseur peut-être. Non non, non j'ai pas appuyé sur le bouton. Ça va Benjamin ? Bonjour la famille. Bonjour. Et vous allez voir, il est logique, Benjamin. Ah. À la question, qu'est-ce qu'on trouve à 9% en traces sur les boutons d'ascenseur, tu me réponds quoi? Bah, moi, je pensais plus à des traces de doigts. Bah, bien sûr. Et alors, ça veut dire que les 91% qui restent, d'après toi, ils ont appelé l'ascenseur avec leurs orteils, leur nez, leur tub, leurs genoux, leurs coudes. Oh putain, Einstein. Non, mais en fait, c'est plus. Il y a des gens, vous savez, ils ont des traces de graisse sur leurs doigts et du coup, ça peut laisser des traces sur l'ascenseur. Oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as des traces de doigts. Bah, ça s'appelle les empreintes digitales. Essaye pas de te rattraper aux branches, va, t'es tombé plus longtemps. Non, t'es en réanimation, là. On te souffle dans la bouche. Arrêtez, même moi, j'aurais pu dire ça. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est parfois les doigts, ça laisse pas de traces. Faut qu'ils soient graisseux. Non, ça laisse toujours de la trace, Elliot. Mais c'est la base du doigt. Non, mais parfois, ça se voit à l'œil nu et parfois, faut les trucs des experts pour voir les traces. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Benjamin! Oh. Oui. On va quand même t'offrir la compile Bruno dans la radio, parce que tu nous as fait rire. Bisous. Dorothée annonce le saunier. Bonjour Dorothée. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Qu'est-ce qu'on laisse d'après toi en trace dans les boutons d'ascenseur? Des traces de crottes de nez. Ah. Oh comment ça? Avant-hier, on avait découvert que ça pouvait s'appeler un pitou, c'est ça? Ouais. Oui. Un pitou, c'est un auditeur qui appelait ça comme ça. C'est pas la trace de pitou. Ça reste dégueulasse, même avec le mot pitou. On t'offre quand même la compile Bruno dans la radio, Dorothée, qui sort aujourd'hui, d'accord? Merci, super, vous êtes au top. Je te fais des bisous. Bisous. C'est sorti dans Marie Claire, voilà, petit chiffre du jour à la cool. 9% des gens laissent des traces d'éternuement sur les boutons d'ascenseur. Ah bah ouais, bien sûr. Bah oui, c'est dégoûtant, notamment. Les boutons d'ascenseur, c'est comme les poignées de porte, hein, mais bon, on peut pas s'arrêter à ça. Mais bon, faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas tous les jours facile, hein, ma petite dame, mais bon, il faut pas s'arrêter à ça, faut aller de l'avant. Et puis... Surtout que tu remarqueras un truc, c'est que quand tu arrives dans un ascenseur, même s'il y a déjà quelqu'un qui a déjà appuyé sur l'étage où tu veux aller, bah, tu te sens obligé de rappuyer quand même. Oui, c'est vrai, t'as besoin de faire un truc, quoi, de t'imposer. T'arrives, l'ascenseur s'ouvre, tu veux aller au zéro, il y a déjà appuyé le zéro, tu dis je veux rappuyer quand même au cas où. Bon, on sait jamais si t'es pas bien sûr, l'ascenseur. On a tous ce réflexe à la con, d'accord. Major Lazer. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Avec Justin Bieber, tout de suite, c'est Cold Water. Il est 6h37, c'est vendredi. Bon réveil, la famille. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Petit Major Lazer qui fait plaisir à l'instant sur Fun Radio MT. Ça arrive, il y aura Florida, je vous ressors ça, tiens. Vous sonnez ? I don't like it and I love it. Florida et Robin Thicke, avant 7h. Je faisais du sport là-dessus, moi, du vélo. 1, 2, 3, vous pouvez, je vous la conseille. 4, ça t'a bien réussi. Je te remercie pas. Moment rapide ce matin, nous avons Sabrine qui est avec nous du côté de... Ah ben on est à Riyad en Arabie Saoudite, c'est ouf. Bonjour Sabrine. Bonjour la famille. Bonjour. On dit Sabrine ou Sabrina ? Non, c'est Sabrine. C'est Sabrine, oui. D'accord, il n'y a pas eu de faute de frappe quand tes parents ont déposé ton prénom à la mairie, tout est normal. D'accord. Non, tout est normal apparemment. Bon, Sabrine, 24 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie à Riyad ? J'ai fait mes études ici, en fait, j'ai grandi à Riyad. Ouais. Et mon moment à pire, c'est que now, en fait, j'emménage à Paris. D'accord. À fort. Mais alors, attends, à Riyad, parce que t'es d'origine saoudienne ou tes parents bossent... Non, parce qu'ils sont venus travailler ici. D'accord, ils bossent dans quoi tes parents, si c'est pas indiscret ? C'est maman, elle est prof à l'école. Non, non, non, c'est juste qu'ils font pas la même chose. Donc, d'accord. Maman, elle est prof à l'école et papa, il est dans le business. C'est pas pareil. D'accord. C'est bien Riyad ou pas ? Dis-moi la vérité. Franchement, c'est pas aussi mal qu'on croit, en fait. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de restrictions par rapport aux femmes. Ah bon ? Ouais. Ouais, bah oui. À la base, il y a beaucoup de restrictions, mais en fait, une fois qu'on vit ici et qu'on connaît la vie et les gens, il y a une autre vie, en fait, ici. D'accord. Mais vous êtes quand même obligé d'être voilé et tout ça ou pas ? Non, plus maintenant, ça c'était vraiment avant. Ah oui, c'est ça, oui, c'est plus cool là. C'est un peu évolué de ce côté-là, oui Elliot. Moi j'ai entendu que tu pouvais pas tenir la main de ton mec dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. D'accord. Non. Tu vois. En parallèle à ça, j'ai vu qu'il y avait aussi des gros stuff parce qu'il y a beaucoup de DJ qui vont jouer en Arabie Saoudite et qu'il y a des endroits où des bons spots de fête aussi. Hein. En fait, c'est vrai, oui. Il y a pas de DJ ultra connu. La dernière fois, on a eu Mozambo. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. On a eu Mozambo à Riyad la dernière fois à l'ambassade française, mais sinon il y a des petits artistes qui viennent, mais il y a quelques artistes qui viennent. Bon, et Sabrine, tu vas te rattraper en arrivant à Paris, t'inquiète pas. On te fera la visite, on va t'amener dans les bons spots. T'inquiète pas, on va te faire déstresser. Je vais venir vous voir de toute façon. Tu vas kiffer ta vie là, t'inquiète pas, dans les bouchons et les gens hyper égoïstes. Les voisins qui font du bruit, le métro qui pue avec du vomi par terre. Ouais, t'inquiète pas. Oui. Par contre, et Sabrine. Ma plus grosse angoisse, c'est les métros. Sabrine, prends-toi bien du soleil quand même, hein, parce que là, quand tu vas revenir ici à la capitale, ça va te faire tout drôle, d'accord, ma belle. Merci beaucoup. Je veux t'entendre crier, je suis heureuse. Je suis heureuse. Bon, dans quelques secondes, les amis, j'ai un con du jour. Un con du jour, il est bien. C'est-à-dire qu'il est tellement bien que je pense qu'il peut automatiquement rentrer en numéro 1 du top con de l'année. Ah, carrément. Là, ouais, il rentre en première place, c'est mon champion. D'accord ? Okay. Je vais vous le faire découvrir dans quelques minutes. Et puis, aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le vendredi, on a un peu lancé une habitude. C'est le mash-up, le bootleg du vendredi. Perfect Illusion, Lady Gaga, c'est le nouveau. Et je vous rajoute un petit peu de Madonna à l'ancienne. C'est multigénérationnel, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je vais le mettre avant 7h30 sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. The Parakeet. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio is my radio. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. I love you, Fun Radio. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. On dance floor. Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Merci d'être là. C'est vendredi, c'est le 23 septembre. C'est Fun Radio et c'est AMT. Chaque fois que je le dis vite, j'ai l'impression de dire EMT. Vous avez connu l'EMT, vous ou pas? Non, vous avez non, pas connu. Non, c'est quoi de la drogue? Ah non, c'est pas de la drogue. Ah, c'était non, à l'école, non? Ah, c'était à l'école, ouais. C'est quoi déjà? Éducation manuelle et technique. Ah oui. Non, j'ai pas eu ça. Ouais, non, mais non. Moi, je suis vieux, c'est pour ça. Mais EMT, c'était le cours où tu te servais enfin de ton compas, tu vois. Pour découper des trucs en carton, tu créais des objets. Ah. C'était un truc qui servait à rien. Moi, vraiment, je m'en servais du compas pour éloigner les élèves, un peu comme Elliot. Tu vois, ouais. C'est quand il venait parler avec moi. Moi, le compas, non, compas au collège, je m'en servais pour graver sur les tables. Ah bah oui, comme tout le monde. Ouais. Et cure-dents, si c'était bien cure-dents. Ouais. Après, pour le reste, pff, vraiment, il n'y a aucune utilité. On est d'accord. Ah si, faire des rosaces. Ah oui, les rosaces. Ouais. J'étais nul, moi, elle ressemblait à un carré, mais j'adorais les rosaces. Même ça, t'as réussi à rater? Ah, j'étais nul à chier en rosaces. C'est fort. Un petit cours du jour, les amis, ou pas? Oui. Alors, oui. Un pot de vaseline a été retrouvé dans le casier de Leston Lawrence, un ancien employé de la monnaie royale quotidienne. Et d'après vous, pourquoi utilisait-il de la vaseline? Moi, ouais, je crois qu'on le sait tous, du coup, non? Ben non, ça hydrate bien les lèvres, la ouais, vaseline. Moi, je pense quand c'est plus. Il fait froid. Il bosse dans une banque, Bruno? Mm-hmm. Ben, c'est pour tirer de l'argent. C'est ouais, sûr. C'est il cachait sûr, des lingots d'or dans ses fesses. Exactement, hein, pas des lingots d'or. Des liasses de billets? Non, de l'or en fait, directement, ah d'accord. Bon, vous savez, en petit palais d'or. Ah donc, bah, oui, moins gros que. Que le lingot. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est la somme quand même. Ouais. Combien? Genre 10 000 livres. C'est plus. 100 000. Le gars s'est mis dans le cul, les amis. Excusez-moi. 180 000 dollars d'or retrouvés dans son anus. Et tout le monde repense à la phrase de ses parents. Mais l'argent, tu crois quoi, que je le chie? Lui, c'était le cas. 180 000 dollars dans le yonf. Oh là là, comment il s'est fait griller, tu nous as pas dit? Il a pété. Ante, call your name tout de suite sur Fun Radio. Et dans 3 minutes, c'est le premier JPI de ce vendredi. We'll stay together, always. True love forever, we'll stay. No matter what they say, yeah. We'll live a life the same way. Je rêve d'elle de jour comme de nuit. Je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens, yeah. C'est tous les jours à 7h du matin, vous avez un téléphone, bah vous pouvez être la victime de Vacher. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Alors des fois j'appelle des gens et je fais un peu l'enfant de 8 ans, c'est-à-dire que je répète ce qu'ils disent. Ah, pour les énerver. Des fois t'appelles des gens et tu fais un peu l'enfant de 8 ans. Souvenez-vous, je l'ai déjà fait, il y a même un petit extrait. Petit extrait. Allô? Allô? Ah, oui? Allô? Oui? C'est qui? Oui, c'est qui? Bah, je sais pas, moi, je vous connais pas. Bah, je sais pas, moi, je vous connais pas. Bah, pourquoi vous m'appelez alors? Bon, raccroche-moi ça parce que ça va mal finir. Alors ça, c'est un extrait que vous avez peut-être déjà entendu, oui. Mais le 100% inédit, il arrive dans quelques minutes, messieurs, dames. Ah, ben bah celui-là, j'allais dire, ça ressemble à un qu'on a déjà entendu. Ah, bien sûr, je me sers des anciens pour faire du teasing, maintenant. Ah, bien sûr, tu te sers des anciens pour faire du teasing, maintenant. On se fait plus chier chez les vachers. Eh, on se fait plus chier chez les vachers. Ça me fait pas rire, ça, par contre. Ça me fait pas rire, ça, non, par contre. C'est vraiment énervant. Non, c'est vraiment énervant. J'ai un tout petit zizi. Ah, je le savais! Mais non, c'est toi! Mais non, c'est toi qui l'a dit! Ok, je suis le plus intelligent. Attends, je suis trop bête. En fait, je vais augmenter son salaire de 50%. Ambienté, ça veut rien dire. Tu veux dire augmenter? Attends, trop tard. Non, le jeu n'est pas fini. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est parti pour la toute première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, les chevaux ont des culottes de Kim Kardashian. Elle est toute en finesse. Et pour commencer, événement, demain ce sera la journée mondiale des sourds. On souhaite par avance une bonne journée à tous les branleurs. États-Unis, la chanteuse Rihanna a interpellé François Hollande sur Twitter pour lui demander de l'aide sur les problèmes d'éducation. Alors si elle veut un Français qui règle les problèmes d'éducation, qu'elle oublie François Hollande et qu'elle demande à Pascal le grand frère. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Freud. Anthony Vosovi qui est parti enquêter. Anthony ? Oui, j'en profite pour assumer une bonne fois pour toutes. Assumer quoi, Anthony ? Mon complexe d'Oedipe. Bonjour, fiston. Bonjour, maman.

Bougez pas. Bruno. Aujourd'hui, vous allez une nouvelle fois pouvoir vous inscrire pour faire le casse du siècle. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, vous partirez peut-être avec nous dans une semaine dans les entrepôts de chez Cdiscount pour prendre tout ce que vous voulez. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Merci d'avoir choisi la première radio Dance Floor de France pour lever vos petits culs là, ce matin, 7h du matin. C'est Fun Radio et les infos avec Max Poulaouec. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. La météo de ce vendredi 23 septembre, il va faire beau aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec des températures agréables. 12 à 16 degrés au réveil. Dans l'après-midi, il fera entre 19 et 23 sur la moitié nord jusqu'à 26 au sud. Ce week-end, du soleil demain et des températures stables. Dimanche, une perturbation pluvieuse traversera la France d'ouest en est et il fera plus frais. Jérôme Carviel croise les doigts. La cour d'appel de Versailles se prononcera aujourd'hui sur la peine de l'ancien trader. Elle dira si oui ou non les torts sont partagés. Il avait été condamné en 2014 à rembourser près de 5 milliards d'euros à son ancienne entreprise pour des manœuvres boursières frauduleuses. Le trou de la Sécu bientôt bouché, c'est ce qu'indique la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, ce matin dans Les Échos. Elle estime que le quinquennat de François Hollande marquera la fin des déficits sociaux. Les données bancaires auraient été épargnées. Le groupe Yahoo a annoncé hier soir avoir été victime d'un piratage de grande ampleur fin 2014. 500 millions de comptes piratés. Le piratage serait lié à un état. Les données personnelles, nom et date de naissance ont été dérobées. Enlevez tout, un parc pour naturistes pourrait voir le jour à partir de l'été prochain à Paris. Le conseil de la ville étudiera lundi un vœu déposé par les élus écologistes. Ils souhaitent l'expérimentation du naturisme dans un lieu en plein air. C'est tout simplement génial, a réagi la Fédération française du naturisme. En foot, ils garderont leur maillot. Les joueurs de Toulouse et du PSG s'affronteront ce soir dans la Ville Rose pour la 7e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 20h45. Ben Arfa, lui, ne sera pas là, écarté par son entraîneur pour la 4e fois de suite. Et puis ils ont fait leur choix, la compile de Bruno dans la radio sort aujourd'hui, 3 CD, 60 titres choisis par la famille. La compile Bruno dans la radio est à gagner ce matin sur Fun. Il est 7h02, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno, Vacher, Christina, Elliot, ils sont là. Fun Radio. Vendredi, c'est le 23 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h03. Bonjour! Bonjour! Ouais, les amis, c'est vendredi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en vous réveillant, même si vous vous dites que vous avez une journée de travail, dans le fond de vous-même, vous le voyez au bout du tunnel. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel? Il y a le week-end qui arrive, on passe en mode week-end sur Fun Radio. Je vous ai trouvé ça, cadeau du vendredi. Perfect Illusion, le nouveau Lady Gaga. Le vendredi, on sort un bootleg ou un mashup, mélange de différents trucs. Lady Gaga pour les années 2000 et pour les années 80, dedans il y a ça. Ah ben on n'a pas tout maintenant, pop, n'en mettez pas trop. Ça fait partie des chansons où je connais que le refrain moi. Papa Don't Preach, je connais que ça, mais j'aime bien quand j'entends ça. Oh putain. Papa Don't Spritz. J'aime bien le spritz aussi. Elliot est là ce matin. Bonjour Bruno. Il y a Vacher. Bonjour, ça fait du bien d'entendre un peu de musique virile comme ça, on est des bonhommes et on l'assume. Il y a Christina. Bonjour à tous. Et toi qui es fan de Lady Gaga et de Madonna, tu vas être ravi. Ah oui, je suis aux anges. On va le mettre là tout à l'heure, avant 7h30, je vous l'ai promis, 7h30, il y aura la chanson du jour, ça va arriver. On a une demande en mariage. Tout ça. Ah oui, oh, j'adore quand les vendredis sont comme ça. Demande en mariage tout à l'heure, est-ce que ça va marcher? On verra. Pour l'instant, Vacher Time. Bruno. Tout à fait, bonjour. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Vous savez, je vous l'ai dit hier, il y avait un compte du Vacher Time sur Twitter, un compte fan qui s'appelle Fan Vacher Time. Ouais, il y avait 7 fans dessus. Voilà, vous êtes un peu moqué de moi parce qu'il y avait 7 fans. Vous savez combien ils sont aujourd'hui depuis qu'on en a parlé? 18. Ils sont 13. Donc fermez-la bien, les détracteurs. Aujourd'hui, dans le Vachet Time, j'ai fait un peu le gamin de 4 ans, parce que voilà, j'appelle des fois des gens pour répéter tout ce qu'ils disent. Et normalement, on se dit qu'un adulte, il réagit, voilà, il a du recul, quoi. Il se dit, bon, allez, arrêtez, machin, il raccroche. Eh ben non, ça les énerve, les adultes, quand on fait ça. Et moi, du coup, j'adore. Petit extrait. Allô? Oui? Oui? Non, mais ça va pas bien. Ouais, faut arrêter le jaja, mes mères. Faut arrêter le jaja, mes mères. C'est une bonne situation, ça, Scrip. Ok. Allô. C'est une bonne situation, ça, Scrip. Ok. Allô. C'est qui? Je peux savoir vous êtes qui, déjà? Allez-vous faire foutre. Allô. Allô. Allô. Allô. C'est qui? C'est tout ce que t'as à dire. Tu sais à qui tu parles, tête de con? Me chauffe pas, va? Espèce de tête d'un de con de tes morts, va? Espèce de tête d'un cul. Mais qui est dans sa tête? En fait, c'est quoi? J'attendais la réponse avec le chien. Faudrait qu'on le fasse un jour en direct le matin, ça. Ah, chauffer 2-3 numéros. Tu sais quoi? On essaye de le faire dans 3 minutes. Chope-moi 2-3 numéros, on va essayer en direct, voir si ça marche. Ok. Hein? Des fixes pour être sûr que ça réponde. Okay. Ouais, c'est ça. On peut tenter. Allez. Ouais, et on en fait un ou deux, ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose. Soprano, tout de suite, c'est sur Fun Radio, je suis en feu, puis je paye de la facture dans 3 minutes. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais une grande écart de panda. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Moi, je suis sur le... Appelle tes copines. Je suis sur en chien, moi. Je suis chaud. Je suis désolé. Appelle tes copines. Sopra sur Fun Radio, je suis en feu. Et est-ce que je mets le petit bootleg que je vous ai promis avant 7h30? Oui, j'avais dit que je le mettrais avant 7h30. Lady Gaga. Nouveau Lady Gaga, Perfect Illusion. D'accord. Et petit mélange avec Madonna. Papa Don't Preach des années 80. Ça va arriver là dans quelques secondes, les amis. Je vais payer de la facture, ça arrive aussi. Je voudrais lire un mail que j'ai reçu en inbox là sur Facebook de Tania. Qui a posté ça là, hier soir, trop refaite. Je reçois ma nouvelle télé ce matin. Je vais la mettre dans ma chambre et enfin pouvoir regarder ce que je veux à la télé sans me prendre la tête avec mon mec. Ça sera mon moment happy de la journée. Prise de tête de programme de télé. Ah bah oui. Moi ça arrive très souvent. Moi je voulais en parler parce que ça m'est arrivé ce week-end. C'est vrai? Ouais. En regardant quoi? En regardant Zone Interdite. Ah bon? Oui, présenté par Ophélie Meunier maintenant. C'est là le problème, non? Exactement. Ah ouais, et là, je dis donc, putain, elle est vraiment douée, Ophélie Meunier. C'est vrai. Et c'est vrai. Et je dis pas ça parce que c'est une nana que j'aime beaucoup et c'est une copine. Mais elle est en plus très jolie. Mmh. Et c'est ce que je disais. Et alors là, je peux vous dire que c'est parti, mais en combat des chefs. C'est vrai. Ouais, bah, tu crois quoi? Tu crois qu'elle a réussi grâce à son talent? De toute façon, toutes des putes. Voilà, de toute façon, maintenant, pour faire de la télévision, c'est soit t'es une pute, soit t'arrives pas à Qu'est-ce que j'avais pas dit, les amis? Et encore, toi, t'es intelligent, je veux dire, parce que moi, je te jure que c'est vrai, bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai dit, ouais, elle est bonne, Ophélie Meunier. Et non. Je te jure que je voulais dire, elle est bonne à la télévision, elle est bonne présentatrice. Ma femme n'a jamais cru. Bien sûr. Ouais, bah, c'est oui. Je peux comprendre. Et je peux comprendre aussi. Moi, c'est pareil, quand je dis ma femme, elles sont bonnes sur Jackie Michel. Je veux dire, bonne comédienne, bonne actrice. Parce qu'elles incarnent le personnage, mais va lui expliquer ça. Vous savez quoi? Est-ce que vous, il y a un programme télé, c'est compliqué à regarder en couple? Où ça se barre tout de suite en sucette. Bah on peut en parler, 32-28. On fait de la radio ensemble. Bah, je suis sûr que sur les émissions, genre les télécrochés, genre The Voice, si tu soutiens quelqu'un et que quelqu'un d'autre soutient l'autre, et tu vois, sur les battles, tu peux aussi faire une battle bien dans sûr. Ton couple. On en parle, 32-28, on fait de la radio ensemble. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. On paye de la facture maintenant et puis on essaye d'appeler quelque part pour faire un répétage comme dans le Vacher Time. D'accord ? Allez, frère. Allez, on fait ça. Comment on fait pour faire parvenir cette facture à Fun Radio? Vous la scannez, vous l'envoyez par mail, facture@funradio.fr, ou bien vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous, votre facture. On part à Lille! On part dans les Hauts-de-France, les amis. Allô? Allô Manon? Oui. Bonjour Manon. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Je pense aussi, ma chérie. Manon, quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie à Lille? J'ai 19 ans et je suis en école de commerce. Est-ce que je te réveille? Non, pas du tout. C'est vrai, tu te réveillais à quelle heure? Eh ben, je me suis réveillée à 7h. Voilà, c'est ça, mais quand t'es étudiant, c'est les horaires qu'on te fait faire sans salaire. Bah c'est oui, c'est 9h30, 20h30. Et après, il y en a qui se plaignent quand ils font 5h dans la journée, je te jure. Manon, ma chérie, tu m'as envoyé une facture de 265 €. Qu'est-ce que c'est? C'est mon week-end d'intégration parce que je viens d'entrer en école de commerce et du coup, on est parti au Cap d'Agde. Ah bah tu te fais intégrer au Cap d'Agde, c'est la plus grande plage naturiste de France. Et tu te fais intégrer des trucs que t'as pas vraiment envie d'avoir en plus. Et alors ça s'est bien passé? C'est fait ou ça va se faire? Non, c'était ce week-end et ça s'est super bien passé. On était 1200. Waouh. Waouh. On va savoir qui est le père après ça. Ils avaient invité Tescadec le dernier soir pour mixer. Cascade? Enfin... Tescadet. Ah, Tescadet, connais pas. Bon, on va faire genre qu'on connaît parce que sinon elle va se vexer. Mais bien sûr, les amis. Tescadet, ça? Eh oui, bien sûr. Genre, on dirait que t'es un date et tu fais genre je connais pour te la péter. Les amis, tout le monde connaît le Tescadet Kadam, Tescadet Kadam. Ohé, ohé. Et Tescadet Kadam, Tescadet Kadam, c'est son nom. D'accord. Manon, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi, ma chérie. 265 €, je mets ça sur ton compte en banque, d'accord? Super, merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Je vous adore. Oh, bah, tu sais quoi, c'est un sentiment. Bisous. Je t'aime aussi. On a le temps vite fait ou pas de faire un petit répétage comme dans le Vacher Time? Oui. Principe du Vacher Time de tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas réveillés. Quelqu'un décroche et tu fais le gamin de 8 ans, c'est-à-dire que tu répètes. Le perroquet, quoi, il n'y a pas plus simple. Tu répètes. C'est bien ça? Ouais, après je te cache pas que j'en appelle à peu près 120 et sur les 120, il y en a c'est pour 20 qui décrochent. Ça peut ne pas marcher. Alors j'ai demandé à Loosman de choisir des numéros au hasard, il a choisi que des numéros en Corse. Ah bon ? Et c'est vrai que le corps se réveille, en général, il est bien détendu. Allez, hop, j'appelle au hasard. T'as pris quoi ? Une boulangerie ? J'ai pris deux boulangeries. C'est quoi le préfixe de la Corse ? Ça m'intéresse. 04. Ah, 4. Dès que ça décroche, hein. Si ça décroche. Ça peut être un bide. Hey, j'essaye sur deux numéros et puis après on passe à autre chose. Hein. Mais cette émission est faite en direct aussi. Moi je veux qu'on essaye pendant une heure. Alors donc c'est le seul boulanger qui n'a pas de répondeur sur son téléphone. On est d'accord. Bonjour. Bienvenue. Bon allez, et j'en essaye un deuxième et puis après on passe à autre chose. Juste pour voir. Ça va vous sinon en ce moment ? Ouais. Ça va pas mal, écoute. Hein. Pâtisserie Carlotti, bien, allô ? Oui, allô, je vous entends pas. Oui, allô, je vous entends pas. Allô ? Allô ? Oui, allô, je vous entends pas. Oui, allô, je vous entends pas. Elle écoute Fun Radio. Et à la pâtisserie Carlotti, vous êtes en train d'écouter Fun Radio ? Oui, tout à fait. Mais là, en fait, c'est affreux. Eh ben alors, et je m'appelle Bruno, vous êtes en direct sur Fun Radio. On vous envoie des compiles, Bruno, dans la radio tout de suite. Bonjour. Bonjour, la pâtisserie Carlotti. Alors là, et j'ai envie de dire, ça s'applaudit. Ah oui. Ah oui, voilà, on est à la radio, c'est génial. Eh ben voilà. Alors, et la pâtisserie Carlotti à la Bastia, c'est ça? Sincèrement, je vous entends très mal parce qu'en plus, j'ai énormément de bruit derrière. On entend, oui. Bon, eh ben écoutez, on vous prend en antenne, on va vous offrir des cadeaux. La pâtisserie Carlotti, on vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Les amis, ça fait plaisir. Le problème de cette émission de radio, c'est quoi ? C'est que nous voguons de succès en succès. À un moment, ça va être compliqué de piéger des gens qui nous écoutent pas. Hein. Tiens, vous le dire. On est trop écoutés. Bon, Lady Gaga, ça arrive dans quelques secondes, mais en version bootleg. Elle a fait le boot. Et qui fait la leg ? La leg, c'est Madonna. C'est un mélange des deux. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Exclu sur Fun Radio. On vous passe ça dans 3 minutes. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Le carburant à prix coûtant ? Eh ben oui, chez U jusqu'à demain, le carburant est à prix coûtant. Alors vous prenez votre voiture, vous foncez chez U et vous faites le plein d'économies. Eh ben oui, on peut dire qu'avec le carburant à prix coûtant chez U, vous êtes le roi du pétrole ! Le roi du pétrole ! Le carburant à prix coûtant, c'est jusqu'au 24 septembre. Liste des magasins U participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le mois, Carrefour. Là, pendant le mois Carrefour, il y a des promos renversantes. Il y en a dans tous les sens. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de 3 bidons de lessive liquide Ariel, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Alors accroche-toi, ça va secouer. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 bidons de 23 lavages, différentes variétés. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Les matins. Dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dancefloor. Gros quart d'heure là qui arrive sur la première radio Dancefloor de France. Chanson du jour. Tout à l'heure ce sera 7h30. Nous allons avoir une demande en mariage. Oh, j'adore l'idée. Petit extrait de la demande en mariage ou pas? Oui. Belle chanson. Ça fait 12 ans qu'on s'aime passionnément. Oh, le R. Kelly du pauvre. 12 ans que je savoure chaque minute de notre temps. Arrête ça tout de suite. Il a 27 ans, elle en a 29. Ils veulent l'appeler en direct pour lui faire une déclaration. Moi, je trouve ça joli, vraiment. On va aborder un sujet, les embrouilles dans les couples à cause de la télévision. Est-ce qu'il y a une émission de télé où vous êtes sûr ça clash? Ou peut-être une série, peut-être, hein, je sais pas. Les embrouilles à cause de la télé. 32-28. On fait de la radio ensemble, mais pour l'instant... Oh putain, c'est vendredi! Et le vendredi, nous avons lancé un rituel. C'est le mash-up du vendredi. Un mash-up, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un petit peu de quelque chose, vous le mélangez avec un petit peu d'autre chose. Oh là là, et c'est une recette de cuisine. Vous mettez un petit peu de gingembre, vous saupoudrez de poivre et puis de sel, et vous mettez au four, vous servez, et vous dites les amis se régalent. Alors, qu'y a-t-il dans la recette d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le nouveau Lady Gaga Perfect Illusion, l'ancien Madonna Papa Don't Preach, et ça donne ça. This is Lady Gaga on Fun Radio. Oh là okay. là, hey, il est bon ou pas ce petit mashup? C'est pas mal. Mashup, on a dansé comme des cons dans le studio. Hein. Oh ouais, à 7h25, on doit être les seuls en France à se mettre la tête à l'envers. Ça sent pas que la rose, hein. on va pas se cacher. Lady Gaga versus Madonna. Perfect Illusion, Papa Don't Preach. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Brutant dans la radio, ville à la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Est-ce qu'il y a un sujet à la télé sur lequel vous pouvez facilement vous prendre la tête avec votre chérie? On rebondit là sur ce mail que m'a envoyé Tania, qui disait bah, trop contente, je vais avoir ma télé à moi, je vais pouvoir regarder ce que je veux sans me prendre la tête avec mon mec. Moi je suis pas un bon exemple parce que je pense que c'est à peu près tout. En fait, mon mec, il fait partie de ces... Non, mais... Non. Il fait partie de ces gens qui viennent, évidemment, des dom-toms. Bien sûr, Vachy, des dom-toms, comme tu dis, bien sûr. Mais non, il fait partie de ces gens qui ont toujours un avis sur tout. Mais moi, quand je regarde la télé, j'aime bien me concentrer sur ce que je suis en train de regarder. Et lui, il donne toujours son avis. Donc, par exemple, Secret Story, j'ai regardé, tu sais, la première émission où tu découvres les secrets et tout, j'étais à fond dedans. Et lui, il est là. Non, mais elle, c'est pas possible. Mais regarde-moi cette dégaine. Et ça, pendant toute l'émission. Ouais, ça peut être chiant. Oh, lui, regarde sa coiffure. On dirait une meuf, en fait. Ça peut te pourrir le truc, je comprends. Kelly à Grenoble. Bonjour, Kelly. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio. Le sujet de prise de tête avec ton chéri devant la télé, c'est quoi, toi? C'est l'amour et dans le pré. Ah, pourquoi? Ouais, parce qu'il aime pas. Donc, du coup, quand ça tombe le lundi et que je travaille pas, et ben, je lui dis, viens, on regarde. Il me dit, non, c'est pour ta merde, c'est pour les gonzesses, Et du coup, alors, vous regardez ou pas? C'est ça la finalité? Est-ce que t'as gain de cause ou pas? Alors, des fois, oui, des fois, non. Ouais, c'est une fois sur deux. Ouais. Moi, j'ai un problème aussi, mais avec L'amour est dans le pré ou les émissions d'M6 en général, par exemple, il y avait Cauchemar en cuisine avant-hier. Ouais. Et j'ai un problème parce que quand je regarde ça avec ma meuf, à chaque fois, je suis hyper ému. Genre, avant-hier, il y avait un gars, il découvrait sa nouvelle cuisine et tout, que Chebest lui avait installé. Je pleurais, tu vois, mais je pleurais vraiment. Bon, ok, je pleurais. Et je regarde ma femme et elle ne pleure pas, elle a les yeux secs. Et je lui dis, mais putain, mais tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'émotion. Et à chaque fois, on se prend la tête dès qu'il y a de la chialade parce qu'il y a quelqu'un qui pleure. Kelly, on te fait des bisous, merci d'avoir appelé. Oui, Elliot. Mais moi aussi, Vaché, j'ai pleuré. Finalement, tu veux pas qu'on échange, tu fais tes soirées télé avec moi. Ça va être bizarre. Ouais. Michael, 29 ans, La Roche-sur-Yon. Salut, Michael. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Émission de télé susceptible de déclencher des disputes dans ton couple? Moi, c'est Les Anges de la télé-réalité. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours deux qui se disputent. Enfin, souvent deux qui se disputent, c'est Eddie et Nadège. Et moi, je suis pour un et elle est pour l'autre. Donc, forcément. Ah bon? Parce que moi, je suis dans la team, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Comme quoi, la vie. Eh ben. Je peux comprendre. En même temps, Les Anges de la télé-réalité, mec, ça marche. Donc il y a bien des gens qui regardent, forcément. Et vous regardez tous les soirs avec ta chérie? Non, pas tous les soirs, mais régulièrement. D'accord. Elle regarde en journée, en replay après. Quand d'accord. Je suis pas là, comme ça, on se dispute pas et tout va mieux. De toute façon, au pire, on reverra tout ça dans Tellement Vrai. Bisous, mon chou. On habite pas dans le Nord, alors. Oh non, c'est pas vrai. Alors, hey, tu sais quoi? Je suis pas d'accord avec toi. J'en connais quelques-uns en Vendée aussi. Oui, mais c'est vrai que dans l'émission, ils vont souvent les chercher là-bas quand même. Ouais, mais. Et justement, moi qui ai beaucoup d'amis dans le Nord, à un moment, ils ont envie de vous dire foutez-nous la paix. Tu m'étonnes. Tu vois, stigmatisez pas une région, s'il vous plaît. Kungs arrive sur Fun Radio. Et la chanson du jour. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Micheline, votre réponse pour le jackpot? La mer Noire. Et c'est gagné! L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, les deux rôtis de porc-épaule sans os origine France sont à 2,99€ le kilo chez Netto. 2,99€ le kilo. L'alerte discount fait toujours des euros. Netto, le discounter qui fait la différence. 2 kilos environ. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le magique anniversaire continue chez But. Et en ce moment, le plus magique, c'est la machine à dosette Tassimo à 29,99€ au lieu de 69,99€. Oui, 40€ de réduction. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Oh, j'arrive pas à me réveiller, là. Pareil. Café ? Oh oui, on le boira chez But. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Bougez pas, Bruno. Hashtag Bruno Fun Radio ce matin sur Twitter, sur Instagram et via Facebook. On vous offre la compile Bruno dans la radio. Elle sort aujourd'hui dans les bacs. 60 titres sur 3 CD. Tout ce qui se fait de mieux en ce moment, on l'a choisi pour vous. Vous le gagnez avec le hashtag Bruno Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fun. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 23 septembre. C'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno. Bienvenue à tous sur Fun. On commence par la météo de ce vendredi. Une journée ensoleillée sur la France avec des températures au-dessus des normales de saison. Toujours 12 à 16 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 16 à Cherbourg, 18 à Dunkerque, 22 degrés à Reims, 23 à Paris, Clermont et Tarbes, jusqu'à 26 dans le sud à Nîmes. Jérôme Kerviel va-t-il devoir passer à la caisse ? La justice dira aujourd'hui en appel si l'ancien trader doit rembourser les 5 milliards d'euros de pertes causées à la Société Générale. Il avait été condamné en 2014 pour des manœuvres boursières frauduleuses. 500 millions de comptes Yahoo piratés, c'était fin 2014, mais le groupe américain l'a annoncé qu'hier soir, les pirates seraient liés à un État. Ils ont volé des informations personnelles, mais pas les données bancaires. Yahoo conseille à ses utilisateurs de changer leur mot de passe. Jean-Marc Morandini a passé une deuxième nuit en garde à vue. L'animateur fait l'objet de deux enquêtes, l'une pour harcèlement sexuel, l'autre sur des soupçons de corruption de mineurs. Confronté à ses accusateurs, il a contesté les faits reprochés. Sa garde à vue doit prendre fin ce matin. Il peut soit être déféré devant la justice, soit être relâché. Les élèves sont trop bruyants à la cantine. Le maire demande à un policier municipal d'assurer la surveillance du repas. Cela se passe à Aigrefeuille-d'Aunis, en Charente-Maritime. Depuis la rentrée, à coups de sifflet, le policier réprimande les élèves qui ne mangent pas en silence. Les parents d'élèves sont furieux. Des coups de sifflet, il y en aura aussi ce soir sur la pelouse du Stadium. Toulouse accueillera le PSG à 20h45 pour le début de la 7e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourront prendre provisoirement la tête du championnat en 4 victoires. Et puis les meilleurs sons d'Ensler sélectionnés par la famille, la compile Bruno dans la radio sort aujourd'hui dans les bacs. 3 CD, 60 titres avec Kungs, Major Lazer ou encore Martin Garrix. Écoutez Bruno ce matin pour gagner votre compile. 7h34, bon réveil sur Fun Radio. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Vendredi, c'est le 23 septembre, 7h34, c'est Fun Radio. Alert People, ça tombe là tout de suite. Et ça vient de tomber sur les réseaux sociaux, Christina. C'est un peu notre vigie des réseaux sociaux, Cray. Non mais c'est énorme ce qui s'est passé. Justin Bieber, vous savez qu'il est en France en ce moment, puisqu'il a toute une série de concerts. Et hier, il a débarqué à la patinoire d'Amiens, en Picardie. Je vous jure que c'est vrai. En fait, il est allé donc à la patinoire d'Amiens parce qu'il avait envie de faire un peu de hockey, puisqu'il fait très très bien du hockey. Et donc, il a fait exactement 2 fois 20 minutes avec les joueurs professionnels, les U20, on les appelle. Il a porté le maillot numéro 9, voilà. Et on les appelle là-bas les gothiques. Et ils étaient comme des fous. Il y a une photo, je vous la poste sur la page Facebook Bruno dans la radio. C'est énorme quand même, non ? C'est ouf. Tu sais que, alors, c'est Chimène Badi qui avait fait ça aussi. Ouais. Exactement. Et personne ne l'a reconnu. Kungs ! Ça arrive sur Fun Radio, mais pour l'instant, chanson du jour. On a comme un petit problème. Oh. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Oui. Faites sonner le clairon pour Sébastien. Bonjour, bonjour Bruno, bonjour la famille. Sébastien, bonjour. Tu as 27 ans, tu habites à Pauillac. Dans le 32, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Dans le Gers, c'est pas le Pauillac de Bordeaux, c'est le Pauillac du Gers, ça s'écrit pas ouais, pareil. C'est ça. C'est pas à côté. Tu nous as demandé d'écrire une chanson pour Clémentine, elle a 29 ans, c'est ton aînée, elle a 2 ans de plus que toi. Oui. Et vous vous connaissez depuis 2004, c'est ce que tu m'as raconté, toi t'étais en 5e et elle en 3e. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle 7 ans de séduction, les amis ? Tu nous en parles. Avec Ashton Kutcher. Eh ben, on est dans le même délire, je vous explique l'histoire, il me l'a raconté par mail. Ils sont ensemble au lycée, d'accord ? Toi, t'as jamais osé demander de sortir avec elle, t'étais en 5e, vous vous êtes perdu de vue, d'accord ? Elle a changé d'établissement, puis un jour, elle t'a appelé pour te dire qu'elle avait des sentiments pour toi. Mais toi, t'étais en couple. C'est ça. Donc, du coup, t'as dit, bah, c'est pas possible parce que je suis en couple. Oui. Des jours passent. Et puis là, il se dit, bah merde. Il largue sa nana. Tu sors avec Clémentine. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est ça, pardon. 12 ans que vous êtes ensemble, 4 ans de relation à distance, vous voyez que le week-end. 2009, vous avez emménagé. 2011, Pax. Ouais. 2014, une petite fille, Romane. Et donc là, aujourd'hui, tu t'es dit, allez hop, je vais passer à la vitesse supérieure. Tu veux demande la en mariage. Ah non. Non. pardon, d'accord. Demande en mariage et tu t'es dit, je vais le faire via la radio pour avoir un truc un peu événementiel. Dis-moi qu'elle ne s'y attend pas, Sébastien. Non, elle s'y attend pas du tout, elle va être vraiment surprise. Bon, là, t'es parti de chez toi. Parce que, en fait, je vous explique, il a prévu un truc. Au moment où je suis en train de te parler, t'es à côté de la maison. Dès qu'elle a la chanson, tu veux revenir avec la bague pour lui demander en mariage. D'accord. En fait, je suis garé pas très loin de chez moi en voiture. Et dès que la musique commence, moi, je commence à arriver chez moi. Et voilà. Là, et elle est persuadée terminée, que t'es parti bosser, en fait. C'est ça, Sébastien ? C'est ça, tout à fait. Ouais. D'accord. T'es sûr que quand tu vas revenir chez toi, elle sera pas avec un autre mec ? Non. Ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Sébastien, pendant qu'on se parle, Clémentine est en attente au standard. Elle ne sait pas pourquoi elle va arriver à l'antenne. Elle ne sait pas où elle va arriver d'ailleurs. On lui fait la chanson et après c'est à toi de jouer, d'accord ? D'accord, ça marche. Tu ne bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Clémentine. Elle y est à Pauillac. Bonjour Clémentine. Oui, bonjour. Clémentine, on ne se connaît pas. Enfin, je pense pas. Je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. D'accord. Une émission qui s'appelle Bruno dans la radio. Oui. Et à 7h30, on a une rubrique qui s'appelle La chanson du jour où on fait passer des messages en chanson. Aujourd'hui, ça tombe sur toi. Oui. Nous avons un message pour toi de la part de Sébastien. C'est une blague. Bah non, c'est pas une blague, non. C'est une chanson. Tu écoutes les paroles et on en parle juste après, d'accord ? Oui. Écoute bien les paroles parce que c'est écrit pour toi, hein, chérie. T'es prête ? Oui, tout à fait. Eh ben, c'est parti. Ça fait 12 ans qu'on s'aime passionnément. 12 ans que je savoure chaque minute de notre temps. Grâce à toi, ma chérie, j'ai la vie rêvée devant toute la France. Je veux l'officialiser. Celle que je vais aimer pour toujours, celle qui pour moi représente le mot amour. Alors pour la plus belle des mères, pour celle qui chaque jour me rend si fier, j'ai une question à lui poser avec un genou à terre. Est-ce que tu veux m'épouser, Clémentine? Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui. Clémentine, est-ce que tu peux aller ouvrir la porte de ton appartement, s'il te plaît? Oui, ça y est, je le vois, je crois que je vais le tuer. Sébastien! Oui. Bon, ben vas-y, on écoute. Du coup, moi, voilà, je me jette à l'eau, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Donc tu es vraiment mon grand amour. Tu es la mère de ma fille.

Et on dépote. Vous êtes prêts? Oui, non, dans la radio. 6h-9h on Fun Radio. C'est l'événement de cette année 2016. Vous êtes nombreux à l'avoir rêvé. Ils l'ont fait. Et depuis quelques semaines, vous avez pu voir des affiches. Un de face, l'autre de profil. Kev Adams, Gad Elmaleh réunis sur scène. Les amis, leur première interview en duo va se passer sur la radio qu'ils ont choisie, partenaire de leur spectacle. Et cette radio, c'est Fun Radio. Lundi matin, entre 8h et 9h, en direct et en public, Gad Elmaleh, Kev Adams, avec nous pour une émission qui s'annonce complètement dingue. Je préfère vous prévenir. Ce sera là lundi, on laisse passer le week-end. Lundi, on va les recevoir. On va déplacer le studio de Fun pour prendre un très très grand studio. Vous verrez ça, les images. On a de l'écran géant et tout dans le délire. Voilà. Et donc, Kev Adams, Gad Elmaleh, avec nous. C'est prévu lundi. Tiens, bah lui, il était là hier. Kungs. Don't You Know, ça arrive sur Fun Radio. Et mon chouchi du moment, c'est Parakeet. Mon chouchi. Ton chouchi, bien sûr. C'est tellement fin, c'est pour ça. Save me. Il y a du JPI qui s'annonce. Brioche au croissant, c'est qui ce matin? C'est Soprano. Ah. Je l'adore. Notre poteau Sopra. Mais pour l'instant, nous avons notre loser du jour. Il s'appelle Yann. Il est à Carcassonne. Rebonjour Yann. Bonjour. 27 ans, Yann. Ah. Tu fais quoi dans la vie à Carcassonne? Ben, ouvrier agricole. Ouvrier agricole, d'accord. Ben, c'est-à-dire que tu bosses dans une exploitation, t'es quoi? Tu t'occupes du bétail, des cultures, tu fais quoi? Non, de tout en fait. On fait du maraîchage et de l'exploitation. Bien sûr. Mais tu sais qu'on nous écoute très souvent. Moi, j'ai beaucoup de photos de tracteurs avec des gens qui écoutent Fun Radio. Et oui, alors, j'en ai. Moi, ouais. Mais attends. Et comme l'agriculteur du Kentucky, pareil. Et tu sais quoi? c'est marrant que tu m'en parles. Puisque c'est là où on se dit qu'il y a souvent des parallèles entre la France et les États-Unis. Et c'est vrai que Teddy, notre fermier dans le Wisconsin, écoute souvent. Et il aime bien parce que c'est vrai qu'entre les Américains et les Français, via la radio, c'est un petit peu une même famille. Bien sûr. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas encore en duplex, là c'est vaché toujours. Je crois que tu t'es pas connecté au téléphone. La liaison, ça y est, je l'ai. Ah, ça y est. Hello, how are you? Oh yeah, I'm listening while you are saying in vaché. Hey, wake up man. Oh, okay, it's funny. Comment allez-vous? J'écoutais ce que t'es en train de dire, vaché. Réveille-toi, mec, c'est drôle. And the radio is like my passion. I love it. Et c'est vrai que la radio, c'est un petit peu comme ma deuxième famille. J'ai l'impression d'être connecté avec la France. I would like to have a little pussy in my hand and put in finger and out and in and out and in and out and in and out. J'aimerais vraiment avoir une petite radio que je pourrais sortir dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors pour écouter partout. C'est mon sport. Yann, donc alors... Quoi? Pas de soucis. C'est quoi cette loose, Yann? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, on a été envahi par des scorpions. Des scorpions, où ça, à Carcassonne? Ah oui, des petits scorpions de pas plus grand que 4 cm. Ils sont noirs avec des pattes jaunes. Quoi? Et le. Ouais. Mais et c'est mortel ou pas? Ben, apparemment, non. Mais ça peut causer pas mal de dégâts. Surtout chez des enfants. Ben, ils viennent d'où, ces scorpions? Ben, apparemment, normalement, il devait vivre en garrigue. Et là, on s'en est retrouvé avec peine dans la maison, quoi. Le premier qu'on a trouvé, c'était sur la façade. Il avait lancé une photo. Il vivait en garrigue chez Martin. Avant de partir au travail, à 6h du matin, je l'ai trouvé sur la façade. Oh, quelle horreur. Nous, tu sais, on crie quand il y a une petite araignée et toi, c'est des scorpions carrément, quoi. Oh là là. Ouais. Bah, il y en a eu d'autres dans la maison que le chat avait chassé, d'ailleurs, heureusement. Ouais. Elle l'a tué, les amis dans la gamelle. Parce que nous, honnêtement, ça peut arriver. Nous, je vois, il y a à peine 5 minutes déjà, on en a eu un à la radio, en plus. De quoi? Ouais. Bah, sur les chansons du jour, j'avais mis un scorpion, c'est pour ça que c'est... Vanne de quarantenaire. et fais attention Yann, je crois que ça se loge dans des conneries, genre les chaussures, les trucs comme ça, donc faites gaffe aux vos chaussons le matin. Partout, partout. Yann, ça sort que la nuit. On t'embrasse mon pote. Merci. Passe une belle journée. On te laisse dans ta merde, hein, si t'as pas compris. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais on peut rien faire. Peut-être envoyer un dératiseur. C'est vrai, pour les scorpions, c'est bien connu. C'est bien connu. Ça s'occupe de toutes les bêtes, non? Bien sûr. Et si jamais t'as une douleur, tu sens que t'as mal au cœur et tout ça, va chez le garagiste, hein, surtout. N'hésite pas une seule seconde. Toujours se fier aux professionnels. Merci, Christina. Allez, voici Kungs. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know. C'est Fun Radio, c'est le JP. Le JP sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, Atem Ben Arfa n'a même pas été sélectionné dans FIFA 16.

Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sports Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Ce soir, je vois un ami et on a un point commun. On adore la très bonne viande. Alors là, ça tombe bien, Michel, parce que j'ai un délicieux rôti de bœuf origine France à vous proposer. Oh, il a l'air tendre et moelleux. Et en plus, jusqu'à demain, chez Carrefour Market, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à seulement 8,70€ le kilo. Alors on va inviter des amis en plus. Moi, je suis libre, hein. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800€ d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres poliré est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, évier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur Bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop, voire conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Bougez pas, Bruno. 8h30, le jeu des 30 secondes vous donnera une nouvelle fois la possibilité de rejoindre cette équipe de professionnels que nous sommes en train de composer pour aller faire le casse du siècle dans l'entrepôt Cdiscount de Cestas. Vous voulez participer, vous appelez le 3228. Fun Radio. Le son. Fleur. On fait un point sur l'actu de ce vendredi, c'est en deux minutes et c'est avec Maxime Poulaouec, bonjour. Bonjour à tous, on commence par la météo de ce vendredi, une très belle journée ensoleillée sur la France avec 12 à 16 degrés ce matin, ça va rester agréable l'après-midi. 19 à Lille et Brest, 23 à Paris et Nantes, jusqu'à 24 à Lyon et Perpignan et 26 à Bordeaux pour votre week-end. Demain du soleil une nouvelle fois et des températures agréables. Dimanche, un passage pluvieux traversera la France d'ouest en est avec une baisse du mercure. Les trous de la sécu bientôt bouchés, c'est ce indique la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine ce matin dans Les Échos. Elle estime que le quinquennat de François Hollande marquera la fin des déficits sociaux. Le projet de budget de la Sécu pour 2017 doit être présenté aujourd'hui. 500 millions de comptes Yahoo piratés fin 2014. Le géant de l'Internet ne l'a annoncé qu'hier soir. Le piratage serait lié à un État. Les pirates ont volé des informations personnelles, nom, date de naissance, adresse électronique, numéro de téléphone et mot de passe. L'attaque ne concernerait pas les données bancaire. Près de 5 milliards d'euros en jeu, la cour d'appel de Versailles se prononcera aujourd'hui sur la peine de l'ex-trader Jérôme Kerviel. Il avait été condamné en 2014 pour des manœuvres boursières frauduleuses à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais surtout à rembourser une somme astronomique à la Société Générale. La lettre de Rihanna pour François Hollande, la chanteuse américaine a tweeté hier soir pour demander au chef de l'État s'il avait lu sa lettre. Quelques mots pour lui parler du fonds de l'UNICEF pour l'éducation des enfants à travers le monde. En football, une nouvelle journée de Ligue 1 ce soir, la 7e avec en ouverture Toulouse-PSG, coup d'envoi de la rencontre à 20h45, son Hatem Ben Arfa. 3 CD, 60 titres, la nouvelle compile Bruno dans la radio sort aujourd'hui, les meilleurs sons dancefloor sélectionnés par la famille. DJ Snake, Major Lazer ou encore Kungs, restez à l'écoute de Bruno dans la radio pour gagner votre compile. 8h04, bonne fin de semaine sur Fun. Vous écoutez Fun Radio, il est 8h04. Bonjour. Et bonjour la Belgique. Bienvenue les Belges qui nous écoutent tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio, qui nous ont rejoints depuis la rentrée du mois de septembre. Et on reçoit de plus en plus de messages qui viennent de Belgique. Ben, ça fait plaisir. On pense à vous, les Belges. Vous pouvez faire de la radio avec nous, hein, vous le savez. Quand je donne le numéro 3228 pour la France, vous avez votre numéro à vous, 02 85 10 000. Et vous pouvez participer et jouer à n'importe quel moment de l'émission. Je regarde un peu l'actu. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique? Non. Il n'y a pas de blague, il n'y a aucune blague. Il y a un mec, en une nuit, il a dessiné sur un mur un zizi. Oui, j'ai vu ça cette semaine. Ouais. C'est à mourir de rire. Il a fait ça en face d'une école primaire, le con. Mais c'est un joli pénis. Ça va, c'est un délire. Les gens étaient contents. Elliot, il est jamais sur les sites d'actu, mais dès qu'il voit le mot zizi, quoi. Ouais. En fait, c'est son moteur de recherche. Hein, donc des fois, quand c'est pas trop trash, il dit ah bah tiens, je vais en parler. Voilà. Bon, putain, c'est vendredi, Les amis, c'est vendredi et comme chaque vendredi, nous vous mettons dans l'ambiance du week-end. Voilà, et même si vous partez bosser, que vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en voiture, vous allez peut-être au boulot, vous allez peut-être au lycée, vous allez peut-être au collège, vous vous dites oui, mais il y a quand même la journée. Oui, mais à la fin de cette journée, c'est fini. On vous met dans le son Dance Floor de fun avec DJ Snake, Justin Bieber. Et je vous ressors un morceau de Guetta que j'adore. Vous le savez, mais ça fait longtemps. When Love Takes Over. Tiens, et puisqu'on parle de se mettre en mode week-end, on va vivre une expérience bizarre avec Elliot. Ouais, c'est le cas. À la fin de l'émission, on prend l'avion, direction Barcelone, et ensuite à Barcelone, petite navette sur un bateau. Nous allons nous retrouver sur un bateau de croisière. La croisière Fun Radio qui est partie en début de semaine. On vous avait fait gagner des places. On part mixer ce soir avec Elliot sur le bateau. Mais c'est la classe quand même. Truc de ouf, je me suis renseigné. Alors le bateau s'appelle le Zénith. Oh, le Zénith. 12 étages. Dedans, t'as un casino, 5 restaurants, 2 bars, un bar lounge, un bar machin. Il y a une bibliothèque. Je sais que là, j'irai pas voir. J'irai pas visiter. Mais il y a des trucs de fou. Il y a un truc pour se faire masser. Il y a un spa, il y a un casino. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai jamais fait de croisière de ma vie. Moi non plus. Si le bateau cabre vers l'avant, vous inquiétez pas, c'est que Elliot est assis à l'arrière. Ouais, je vais faire attention. Non mais est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont déjà fait une croisière, honnêtement? Alors moi, Christina, c'est pas comparable. J'avais fait une croisière mais sur le Nil, donc c'est. Oh non, pardon, mais... madame. C'est des, enfin ils sont beaucoup plus petits les bateaux. Ça, il y a 2 étages à tout casser quoi, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Alors toi, le week-end avec ton papy, tu fais de la barque sur la Garonne et madame, elle fait une croisière sur le Nil. Bah oui, non, mais c'était magnifique. Vous savez quoi, 32-28, tiens, si vous avez déjà eu une expérience de croisière, j'aimerais vraiment savoir comment ça se passe sur le bateau. Parce que moi, la seule image que j'ai de croisière, ça se finit pas super, hein, vraiment. Donc bon, a priori, entre Barcelone et Marseille, il n'y a pas d'iceberg. Hein, normalement, non. Normalement, non. Tu t'imagines, toi, dans l'eau, et Elliot qui flotte sur la porte, qui te dit Bruno, ne me quitte pas, j'ai si froid. Là, par contre, t'es sûr que si je suis sur le radeau, il n'y aura pas de place pour toi. Hein. Il n'y aura pas de discussion possible. Allez les amis, brioche ou croissant, c'est le rendez-vous qu'on vous file tous les matins à 8h. Et ce matin, le rendez-vous, c'est avec Soprano. Le single Je suis en feu passe sur Fun Radio. Le nouvel album arrive le 13 octobre. Il s'appelle L'Everest et c'est Soprano qui répond à brioche ou croissant. Il doit faire le choix entre deux choses différentes. Vous connaissez maintenant le principe, c'est parti. Brioche ou croissant? Croissant. Non, je peux dire, il y a des brioches au sucre. J'essaye de limiter le sucre en ce moment, donc je suis en mode brioche sans graines de sucre. Ouais, on va dire ça comme ça. Réservé ou extraverti? Réservé. Sport d'équipe ou solo? Sport d'équipe, je suis plutôt sport d'équipe. Basket ou mocassin? Je suis plutôt basket, moi. Massage du dos ou massage des pieds? Massage du dos, les pieds, j'arrive pas. Jeux vidéo ou lecture? Ça dépend de la période. Quand je suis en vacances, c'est plutôt lecture. Quand je suis avec les amis, c'est plutôt jeux vidéo. Hamster ou poisson? Poisson rouge quand même. J'ai un petit chat à la maison, un siamois, qui me fait quelques misères, mais un poisson rouge, je préfère. Film ou série? Série, hein, série addict. Je connais toutes les séries, je les ai toutes vues, les plus nulles jusqu'aux meilleures, même les mangas, c'est pareil. Pour le Nutella, cuillère ou couteau? Aucun des deux, le Nutella ne rentre pas dans mon planning de sport. Il est frais, Soprano. L'adore. Il viendra nous voir d'ailleurs pour la sortie de son album. C'est Meryl hein, qui fait les interviews brioche ou croissant. C'est et ça. Alors, Meryl, il est sympa, Soprano. Il est trop sympa. D'accord. Il faut tout ce qu'elle l'échauffe. Hein, ah ouais. Nutella avec un ou deux doigts. Je sais pas, j'en mange pas. Ah, dommage. Bonne journée, Soprano. Justin Bieber et DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up, nah, nah, nah. Hashtag Bruno Fun Radio. Il y a Seb Popo là, qui vient de poster une photo d'un poste de radio, d'un autoradio, mais d'un autre temps, en fait, en mettant si Bruno m'offre la compile Bruno dans la radio, merci de prévoir en cassette. Alors, elle n'existe pas en cassette, la compile Bruno dans la radio. Je suis désolé. Elle sort aujourd'hui, les amis. La toute première compile Bruno dans la radio. On a choisi les titres qu'on allait mettre dedans. 3 CD, 60 titres. Le nouveau Martin Garrix. Le nouveau Pitbull Florida. En fait, pour tout vous dire, quand on m'a dit, voilà, vous allez choisir le titre de votre compile, on a pris tous les trucs qui sortaient et qui sont bien. Tu vois, plutôt que d'acheter single par single, on a tout mis dedans. Comme ça, vous avez tout. Vous avez la compile, vous avez le meilleur de ce qui sort en ce moment. La Pitbull Florida, ça y est. Maître Gims, le nouveau Maître Gims, il est dedans. Bandana. Tous les trucs qu'on aime bien. Carlos Dream, ça y est. Jonas Blue, il est dedans aussi. Martin Solveig, c'est dedans aussi. Mike Perry, nouveauté là qui tourne sur Fun Radio, The Ocean. Sigala, ça y est. Heartbeat, Richard Orlinski avec Eva Simons, c'est dedans. Et même des trucs qu'on a un peu kiffé cet été mais qui font toujours plaisir, tu vois, le Deoro Bailar ou encore le Alan Walker. C'est dans la compile, Bruno dans la radio. Voilà, elle sort aujourd'hui, on vous l'offre avec le hashtag Bruno Fun Radio sur Twitter depuis 6h ce matin. Vous pouvez continuer à tweeter les amis, on enfilera d'autres hein, jusqu'à 9h. Pour l'instant 8h15. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio, on paye de la facture, cri-cri. Profitez de votre week-end pour vous aussi tenter votre chance. Vous l'envoyez par mail facture@funradio.fr ou bien vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture s'est payée, c'est cadeau. On part ce matin, les amis, dans le Finistère, à Saint-Divy. Je sens que ça va pas répondre. Ben non, pourquoi tu dis ça? Oh, je te jure, celui-là. T'es con. Allô? Que négatif. Allô? Allô? Ah, ben ça a décroché, mais ça parle pas. Donc, si ça a décroché et que ça parle pas, c'est compliqué. Mmh. Allô, Maïwen? Ah, elle a dû appuyer sur muet avec sa joue. Ça arrive tout le temps. Peut-être que t'as mis sur mute. Ah, voilà, c'est ça. Elle doit avoir des grosses joues, du coup. Bonjour, Maïwen. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Wow! Bravo! Dis-moi, est-ce que c'est ce que Vacher disait, t'avais appuyé sur le bouton mute? Comment? Est-ce que t'avais coupé le micro de ton téléphone sans le faire exprès? Non, du tout. D'accord, très bien. Et donc c'est que la personne est sourde alors. Maïwen, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Saint-Divy? J'ai 21 ans et je suis en école d'aide-soignante. D'accord. Tu m'as envoyé une facture de 173,99€. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Relevé de compteur. D'accord. Et du coup, je m'y attendais pas et du coup, c'est arrivé comme ça, par courrier. Ouais. Mais tu sais quoi, quand on a 21 ans, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attend pas. L'électricité. Oui, c'est sûr. L'électricité. En fait, dès que tu quittes chez tes parents, il y a plein de trucs que tu découvres. Tu découvres que l'eau, tu la payes. Ouais. Oui. Bah, tu comprenais pas pourquoi tes parents te faisaient chier quand tu prenais une douche de 20 minutes et puis après bah, tu dis ah bah oui je comprends. L'électricité, bah, c'est pareil, tu la payes. Bah ouais. Les impôts, c'est un truc aussi, c'est pareil. Tu dis mais comment ça on me donne de l'argent, faut que j'ordonne, c'est très bizarre. Il y a la taxe d'habitation qui va arriver aussi. Tout ça. C'est cette taxe d'habitation dont je voulais en parler. C'est nouveau parce que moi c'est la première année où je déménage. Ouais. C'est cher ce truc-là? Ça dépend où t'habites, mais en général oui. C'est un loyer en général. Quoi? En plus, ouais. À peine. Bah, j'habite à Levallois, en plus, la ville de Bourges avec Balkany, là, pour faire un peu de politique. Ah bah, hein, si c'est pour lui payer ses vacances. Revends tout de suite des organes. Maïwen. Oui? On va t'envoyer le chèque très très vite, ma chérie, parce que ça, quand on est étudiante, bah, l'électricité, c'est une tuile. Merci beaucoup. De rien, on te fait des bisous. Merci, bisous à tous. Bisous. Belle journée, ciao ciao. J'aime ce titre. Je trouve qu'il sent vacances. Alors que maintenant, le When Love Takes Over là, de David Guetta, il a quoi? Il a 1200 ans, on est d'accord? C'est sorti à quoi? Il y a 7-8 ans? En plus, oui, oui. 10 ans? Oh, mais je dirais 2005, moi, Bruno. Moi, je dirais 82, moi. Non, c'est pas possible. 1882. C'était juste avant Edith Piaf. Ça arrive là sur Fun Radio, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New Music. C'est Fun Radio. Félix J. On Fun Radio. Nope.

écoutez Fun Radio, j'adore ce titre. When Love Takes Over. C'était Kelly Rowland avec David Guetta. J'ai l'impression que dans l'équipe, je ne suis pas le seul à aimer cette chanson. Je voyais Amélie au standard qui, depuis 3 minutes, était en train de chanter. Mais comme le son était fort dans le studio, je ne savais pas ce que ça donnait. Ça va, Amélie, au standard? Ouais, super. Est-ce que tu nous le referais pas en direct avec le micro? Non. Monsieur. Mais non. Allez. Monsieur. Amélie. Non, mais je fais des choses. Amélie. Amélie. Amélie. Bon, ok, désolé la France. Hein. C'est non, bien. Mais non, mais c'est... Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Non, t'as une voix, t'as un truc. Ouais, texte de over. Yeah. Ah, Amélie. Amélie. Amélie, I can fly. 8h25, c'est Fun Radio. Wow. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Merci d'être là de plus en plus nombreux tous les matins, nous écouter tous ces messages là que vous balancez via les réseaux sociaux. Hashtag Bruno Fun Radio, on vous offre la compile Bruno dans la radio ce matin. Plein de gens qui nous découvrent cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, parce que nous on est là depuis 5 ans maintenant sur, oui, Fun Radio. Bah, si vous arrivez d'autres radios qui vous ont un peu déçu, peut-être parce que vous disiez c'est toujours la même chose, on essaye de changer tous les jours. Et là je peux vous dire que depuis la rentrée de septembre, c'est du n'importe quoi ici. C'est-à-dire qu'avant, on préparait ces émissions et on les suivait. Maintenant, on les prépare. On ne fait plus du tout ce qu'on avait préparé à l'arrivée. Sib, Brice, ça arrive dans quelques secondes. Et puis, on le disait avec Elliot, on va partir tout à l'heure sur la croisière Fun Radio. Oui. On part à Barcelone, on prend l'avion. Ensuite, on nous emmène sur un gros bateau qui s'appelle le Zénith. Mmh. Et là, accueil du capitaine Stubbing. Et moi, la seule vision que j'ai des croisières, c'est la croisière s'amuse. Je suis désolé. Hein. Bah oui, mais là, justement, c'est une croisière Fun Radio, donc ça va être le feu, je pense. Comment c'est? Je sais pas. Bonjour, Amandine. Bonjour. Amandine, tu as déjà fait une croisière, et notamment sur le bateau, le Zénith. Il est bien, le bateau? Il est trop bien. En fait, on a fait deux croisières chez Croisières de France, et ouais, dont une sur le Zénith, et l'autre, c'est l'Azur. En fait, c'est juste trop, trop bien. Mais tu fais. En fait, tu t'arrêtes de ville en ville. En fait, tu t'arrêtes de ville en ville, t'as la journée, tu fais les escales dans les villes, et le soir, à partir du moment où t'es dans les eaux internationales, c'est fiesta et alcool à gogo. Fiesta, merci. Donc apparemment, ce mot existe toujours. Et moi, chérie, c'est quoi le truc le plus kiffant quand tu fais une croisière? Le plus kiffant, je sais pas, en fait, c'est tout, c'est juste énorme, en fait. Tu t'es au bar de la piscine, t'as été dans l'eau, le cocktail, tu vas en boîte, après tu vas un peu au casino, enfin, tu vas au théâtre, tu vas bouffer, enfin, ça donne envie. Ah, ouais, c'est vrai que ça va chauffer. Et le Zénith, le bateau là sur lequel on va, il est beau? Ouais, il est beau. Bon, bah, merci, Amandine, merci du conseil. Je veux pas vous faire peur, les garçons, mais sur la dernière croisière qu'on a vue, le bateau a pris feu la dernière nuit. Ouais, non, ne fais pas peur. Écoute, ça suffit. T'as été toute gentille jusque-là, voilà, ferme ta gueule maintenant. Mais peut-être que c'est à cause de Mikosé qui a mis le feu sur le bateau. Ah, enchaînement. Puisque Mikosé, il a mixé là toute cette semaine sur le bateau. Ça va, mon Miko? C'est dur le matin. Bonjour, l'équipe. Ouais, je suis désolé. Hey, mec, t'as mixé cette nuit ou pas? Oui. Oh merde, je suis désolé. J'ai dit, il y a 10 minutes, j'ai dit on appelle Miko pour lui demander. Bon, et comment ça se passe l'ambiance sur cette croisière? Oh mais c'est dingue. Il a l'air encore bourré, le con. Non, même pas le temps, zut. Non mais c'est un truc de dingue, on vous attend. Prenez juste un maillot parce que je pense que dans tous les cas ça se terminera dans la piscine. Oh la chance! Eh bien, j'en ai amené un. Oui, parce que oui, Christina m'avait dit hier pour s'apprendre un maillot. On se rejoint tout à l'heure, alors mon pote. Mais je vous y attends. Et tout le bateau vous y attend surtout. Eh bien, écoute, on sera là. Miko! Oui. Ça va, pas de MST pour l'instant? Non, d'accord, très bien. Non, mais je demande, il faut que je me renseigne un petit peu. On t'embrasse, Miko. C'est vrai que j'avais oublié, c'est open bar finalement. Donc, ouais, ça serait cool, con que son pseudo passe de Miko C à Miko hépatite C, quoi, tu vois. Il est là, mon Michel Simès. Sib. C'est le petit morceau de Cri-Cris en ce moment. Ah, je l'adore. Plus je l'écoute, plus je l'aime, celui-ci. Et Christina, vous savez, dans l'équipe, on a tous nos trucs du moment. Moi, c'est Parakeet. Elle, c'est Sib. Moi, c'est Martin Garrix. T'as bien. Et toi, Vaché? La bohème, Charles Aznavour. Du coup, ça passe pas des masses. C'est un peu dommage. Que veux-tu? Allez, con. Allez, on arrive là. On fait un petit point sur les infos, puis on revient en direct sur Fun Radio. Le

Il y a Baptiste qui sera au téléphone avec nous là dans un quart d'heure. Il a appelé le 3228. Hier, il a fait une grosse boulette auprès de son collègue. Ah, c'est ce qu'on m'a mis. Je ne sais pas ce qu'il en est. Louzman au standard. Oui, Louzman. Louzman, excusez-moi, c'est à vous que je parle. Oui, oui, oui. Vous êtes bien Louzman du standard. Il paraît. On est sur de la boulette de quel domaine? Donne envie aux auditeurs de rester un peu. Si je dis il a fait une grosse boulette auprès de son collègue, on se dit oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ah mais oui, on parle de ça. Bah, bah oui, génial. Bah il a fait une bonne boulette quoi. Il faut que t'arrêtes d'écouter une autre radio pendant qu'on fait notre émission. Alors oui, c'est très sympa RTL2. Oui. Mais il faut que tu restes calé sur Fun au moins le temps de l'émission, Louzman. Mais bien sûr. C'est quoi sûr. La boulette? Ah bah si je l'ai dit, il y a plus d'intérêt. Et c'est de quel genre? Ah, c'est sur une échelle d'un à 10, on est sur 92. La boulette, c'est aussi un single de Diams. Bon, on va voir. Et on se dit quoi? Si jamais c'est pas une bonne. Il nous a dit que c'était. Il y a une grosse annonce. Si jamais on va lancer. Tu sais quoi? On va lancer maintenant les défis pour Louzman. Si jamais Louzman, on estime que c'est pas un truc de ouf, t'auras un défi. D'accord. Base, on a quoi? On a du piment au bureau, on a des trucs. Ah non. J'ai un bon défi pour Louzman, genre tu dois vivre pendant 10 ans au Mexique. À partir de demain. On a du piment, on a du piment. Un petit shot de piment, un petit shot de piment pour se mettre en bouche. Allez. Allez, pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Alexandra, 25 ans, elle est nantaise, elle est agent d'entretien. Applaudissements pour Alexandra. Salut. Bonjour Alex, bienvenue chez toi, bienvenue sur Fun Radio. Alexandra, tu joues ce matin face à Guillaume, il est lillois, il a 27 ans, il est gestionnaire de paye. Applaudissements pour Guillaume. Salut. Comment ça va Guillaume? Ça va super, je suis trop content de vous avoir. Et bah tu sais quoi, je suis content de t'avoir aussi. Gestionnaire de paye, ça va être bientôt là? Ça va être bientôt, je fais la pluie et le beau temps là. Moi, je sais, moi, tu sais, j'attends souvent. La paye, je l'attends vers le 4, moi, du mois en général. Mais pas celle du mois passé, celle du mois à venir. En fait. Alexandra, Guillaume, la règle du jeu des 30 secondes, vous la connaissez. Elle va vous permettre de gagner, je l'espère. Il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui trouvera le maximum de mots partira avec nous. D'accord. Vendredi prochain. En direct de Cestas, à côté de Bordeaux. Entrepôt de Cdiscount, le numéro 1 du Cdiscount en France. Et avec l'équipe de Bruno dans la radio, nous allons former une team encore plus forte que celle de Ethan Hunt dans Mission Impossible. Nous aurons l'entrepôt pour nous. Et vous disposerez, auditeurs de Fun Radio, chacun d'une minute pour rentrer dans l'entrepôt, pour prendre ce que vous voulez. Et quand je dis ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Même la quantité, employé Cdiscount, si vous voulez. Vous la ramenez chez vous. La quantité que vous voulez, le prix que vous voulez, on s'en fout. Vous voulez prendre un écran télé 4K, vous le posez sur la tranche et dessus vous mettez 20 iPhone 7. Et bah si ça passe, ça passe. Boom. Le but c'est que vous fassiez ça en une minute et au bout d'une minute, vous emporterez tous vos cadeaux. C'est du gros cadeau ce matin, ça Alexandra et Guillaume. Mais oui, je ça sais. Mais pour amener le rêve à son paroxysme, il va falloir choisir. Alexandra? Oui. À qui tu parles? Elle disait énorme, énorme, énorme. Ah oui, d'accord. Je crois qu'elle est en train de parler à quelqu'un d'autre. Non, c'est en fait, c'est Alexandra, Guillaume, il faut choisir dans un premier temps Christina, puisqu'elle a gagné hier, c'est la championne du jour. Qui veut jouer avec Christina? Moi. Okay. Alexandra, t'as une liaison qui est un peu chelou. Essaye de te mettre dans un endroit où tu captes bien, ma chérie. Ah, déjà en train de préparer ta défaite, toi. Non, j'anticipe. Contre qui tu joues? Guillaume, tu veux jouer avec qui? Bah avec toi, Bruno. Ok, alors là. Voilà le match. Back in the game. Je me mets debout. Mais surtout, c'est une grosse pression pour nous aujourd'hui, puisque évidemment, on a envie de gagner pour vous. C'est votre dernière chance de pouvoir faire ce casse du siècle. Donc, c'est sérieux là. On est sur un match sérieux. Qui commence? Vaché, tu décides. Allez, Christina, enflamme le game. Christina commence avec Alexandra. Alexandra, est-ce que tu es prête? Oui. Christina, le chrono se met en route dès que tu lis les mots. Top chrono, c'est parti. Ok, les enfants, à 4h, ils font, hein? À 4h, oui. Quand tu vois mal, tu portes des... Lunettes. Oui, c'est Evelyne Delia, elle présente là? La météo. Oui, au sapin, tu accroches des... de neige. Oui, ça, tu peux ranger tes lunettes dedans d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Oui, quand tu renverses des choses et tu fais pas exprès, on dit que tu es... Bête, C'était maladroit. Pas mal. 5 points, bravo les filles. Alexandra, 5 points, c'est pas mal. Est-ce que ce sera suffisant? Nous allons voir tout de suite avec Guillaume. Guillaume. Oui. Du tac au tac, d'accord, tac mon pote. Tac au tac, Bluetooth. Exactement, on se met en Bluetooth tous les deux. T'es prêt? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Ah, un sportif, il peut se faire une rupture des... ligaments. Exactement. C'est du sport. Tu sais, on se met sur les bras, on fait la planche et on remonte, on descend, on remonte, on descend. Planche à voile. Non, on fait des... des brasses. Non, des longueurs. Mais toi-même, tu sais, sur le sol, tu fais des... des pompes. Oui, voilà. Le matin, tu prends ton pour manger. Et déjeuner. Ouais, très bien. Au-dessus d'une maison avec des tuiles, c'est un... un toit. Un verre en plastique, c'est un... gobelet. Oui, très bien. On s'en va par quatre... chemin. J'avais commencé à dire le chemin. Exactement. Ce. Ça nous fait une belle égalité. Quel suspense dans Bruno dans la radio. C'est chaud. Elle s'est prise pour une animatrice de télévision. Quel suspense. Merci. Tournez les lettres. Consonne. Pépita. Bon, Alexandra, Guillaume, vous êtes à égalité. Il va falloir vous départager. Et la personne qui va vous départager, eh ben tiens, c'est Karina, justement, du JPI. D'accord. Le premier de vous deux qui trouve le mot que va tenter de vous faire deviner Karina repart avec son billet pour venir avec nous chez Cdiscount. Ok. Alex, Guillaume, vous êtes prêts? Oui. Oui, à fond. C'est parti. Ok, ce sont des petites graines qu'on trouve dans les raisins. Ou dans les pommes. Pépins. Guillaume, c'est gagné! Wouhou! Super! Wouhou! Oulala, chaud. Tu seras avec nous à Cestas vendredi prochain dans l'entrepôt de Cdiscount pour faire le casse du siècle. D'accord, Guillaume? C'est canon. Préparez-vous, Cdiscount, j'arrive. Alexandra, on t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Elle va être ouf, cette émission. Oh, j'adore le challenge. Voici Sib, tout de suite sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out for your lies. Restez sur Fun Radio, a priori on a une anecdote de fou, hein. Nous a annoncé en tout cas Luzman au standard, sinon il est puni. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me. The Parakeet. Feder. Sound of Ledger. Felix J. I am the bonfire. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor.

Ouais, je me doute. Puisque c'est Luzman au standard qui t'a choisi, qui nous a dit attention, il a un sujet de ouf. Et c'est vrai qu'avec Luzman, on commence à avoir des doutes, puisque Luzman, c'est quand même cette personne qui s'occupe du standard. Vous avez été, j'ai regardé sur le dernier comptage, vous avez été un peu plus de 20 000 à jouer pour le jeu des 30 secondes tout à l'heure, d'accord? Et bien sur les 20 000 qu'on a appelé, il a réussi à choisir la personne qui a le téléphone qui passait pas bien. C'est pas facile. C'est un peu sa patte. C'est pas facile, c'est Luzman, voilà. On a des super-héros, il y en a qui ont Superman, il y en a qui ont Batman. Nous, ici, nous avons Luzman. Luzman, il a cette capacité à rendre loose tout ce qui, dans l'absolu, est censé marcher. C'est-à-dire que quand on dit « Hey, les amis, il y a 99% de chances que ça marche. Si Luzman est avec vous, vous savez que vous aurez le pourcent qui reste. » Luzman nous a dit tout à l'heure « Attention, prenez Baptiste. » Il a une anecdote. Si je devais la noter de 1 à 10, je lui mettrais 92. On est d'accord, c'est ce qu'il a dit. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Luzman, est-ce que tu vois cette bouteille? J'ai pas envie. Est-ce que tu vois ce qu'il y a écrit sur cette bouteille? Oui, il y a écrit Hul de Fon Moruch. Non, il n'y a pas écrit Hul, il y a un I. Parce que Luzman a les yeux qui se barrent en sucette aussi, donc il lit pas très bien. Hul de Fon Moruch. Si jamais l'anecdote de Baptiste ne monte pas au moins, allez, tu sais quoi, à 50 sur une échelle de 0 à 10, t'as le droit à un verre. D'accord? Ouais, maintenant, ouais. Baptiste, c'est à toi de jouer. Moi, quand il m'a vendu l'info, il y avait marqué hier, il a fait une grosse boulette auprès de son collègue. C'était quoi cette boulette? En fait, hier, j'ai eu un gros moment de solitude. On était, parce qu'en fait, je suis chef en service. Ouais. Et en fait, du coup, on était derrière le comptoir. Et il y a une dame qui arrive, une toute petite dame. Attends, en comptoir de quoi? Tu bosses dans quoi? Dans une banque? Non, en restauration. Ah, en restauration, d'accord, ok, d'accord. En restauration, et en fait, donc, il y a une dame qui arrive. Et la dame toute petite et tout, et j'y regarde, elle est tellement moche, on croirait la mère des Minimoys. Et en fait, il s'avérait que c'était la mère de mon collègue. D'accord. Faudrait connaître les Minimoys, quoi, en vrai. Non, c'est Arthur, les Minimoys. Non, non, mais c'est quoi? Ah, alors, si, c'est une bonne boulette. C'est une bonne boulette. Oui, c'est une bonne boulette, ouais. Est-ce que c'est une boulette de 92? Moi, je propose, on a des auditeurs qui sont venus assister à l'émission ce matin. Venez à tour de rôle, vous allez donner votre prénom. C'est quoi ton prénom? Sophie. Sophie, tu lui donnes combien de 0 à 10 à cette anecdote? 8, très bien. Ah, autre auditrice, c'est quoi ton prénom? Ophélie. Ophélie, tu donnes combien? 7, très bien. Et ton numéro de téléphone, Ophélie? Pardon, ouais. C'est quoi ton prénom? Kelly, tu donnes combien? 7. Très bien, viens me voir, parce que vous pouvez venir assister à l'émission, ouais. Vous savez, comment tu t'appelles? Florian, tu mets combien? On va dire 8. 8, d'accord, c'est gentil. Bien. Ils sont hyper gentils. Tu t'appelles comment? Aline, combien tu mets? 7, très bien. Pour l'instant, ils sont trop gentils. Comment tu t'appelles? Moi c'est Ruben, je mets un petit 8. Ouais, un petit 8, très bien. Et enfin, le dernier. Le dernier, Manu. Tu mets combien? 3. Allez, Yanche. Bon, et Baptiste, on va t'offrir la compile Bruno dans la radio. Non, merci, c'est gentil. Eh bien, on t'embrasse, mon pote, et puis Luzman, on va t'offrir. Ah. On avait dit au-dessus de 50. Mais tu sais que c'est super bon pour la santé, c'est bon pour la santé, l'huile de foie de morue. Par contre, vous m'avez amené un petit verre à shot, vous êtes petit. Prenez un gobelet. Ouais, prenons un gobelet, oui, il a très soif en ce moment. Oh, les En fait, ça a vraiment la texture de l'huile. Oh, bah c'est de l'huile. C'est bien jaune. C'est de l'huile. Tu nous en fumes pas, Luzman. Tu bois pas genre une gorgée en disant « je peux pas ». D'ailleurs, c'est quoi? Il y a bon beaucoup de gens qui ont dit « Voilà, vous avez arrêté les défis, ça nous manque, mais on va pas les remettre avec Elliot, les défis, on va les mettre avec Luzman. » Moi, j'ai donné. Oui, c'est vrai, t'as tout fait. C'est quoi? Et lundi, en invité, on a Gad et Kev. Putain, on va se planter à chaque fois. On va se planter à chaque fois, je veux dire Gad et Kev. Gad Elmaleh, Kev Adams. On va lancer une roue des défis qu'avec Luzman. Tiens, Luzman. Okay. Allez hop. Petit verre d'huile de foie de morue. C'est quoi le mieux? C'est que tu le boives cul sec et puis tu vas voir ça. Ouais, mais t'as mis la moitié de la bouteille. Oui, quoi. Ça donne des forces. Pourquoi tu voulais tout? Non, je voulais un fond. En plus, je suis malade à crever. Quoi. Et justement, et alors l'huile de foie de morue, ça va te guérir. À l'époque, dans les écoles, c'est cette vitamine B, riche en vitamine B, c'est top. Tu te bouches le nez, t'avales ça. Vitamine A, vitamine D. Allez, vas-y, top chrono. Vas-y, hop, cul sec, bois-le. Allez. Si tu t'arrêtes, j'en étais sûr. Non, il n'y aura pas de crachage, hein, il faut que tu le boives. C'est pour ça que je te dis, vaut mieux que tu le passes d'une première fois. Luzman, oublie pas que c'est de la radio, c'est les gens qui écoutent, ils veulent qu'il se passe. C'est dégueulasse. Oui. Même faire la radio, c'est dégueulasse. Et ben voilà. Et bien, dis-le. Allez, vas-y. Mais c'est vraiment de l'huile en plus. Mais oui. En plus, regarde, ça hydrate tes lèvres. Allez, vas-y. Igloo. Non, mais ne réfléchis pas. Ah, il peut vomir. Et pourquoi il vomit? Mais je sais pas. Parce que c'est dégueulasse. Luzman, allez, cette fois, tu le passes d'un coup, vraiment. Mais oui, ah, mais imagine allez, que c'est allez, allez, dépêche-toi. 1, 2, 3, shot, shot, shot, shot. Aval, aval, aval, yes! Aval, aval, aval, aval, aval, yes! Attends, alors le mec qui allume sa radio maintenant et qui entend aval, aval. Eh ben, ils se disent, Luzman bosse toujours avec Christophe Beaugrand. Que j'embrasse. Allez, voici Major Lazer tout de suite, c'est sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Hashtag Bruno Fun Radio. Beaucoup de messages là pour Luzman. Il y a Gaïa qui dit Luzman bosse avec Morandini. Bah non, il est majeur, c'est ridicule. Dans 3 minutes, 9 heures. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Mimi Mati mesurait en fait 1m80 et serait filmée de très très loin. Transport à Rennes, les tickets de métro vont disparaître. Une bien mauvaise nouvelle pour les esthéticiennes. Pas facile à dire. Ça prouve que tu y vas pas souvent, va. Exactement. Science, le CHU de Toulouse cherche des volontaires qui seront allongés pendant 60 jours. Sinon, ils n'ont qu'à appeler Michael Schumacher. Oh. Daesh a peut-être utilisé du gaz moutarde contre l'armée américaine en Irak. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement en Irak. Tenez, prenez ça dans la gueule. Vous lancez quoi, Anthony, là ? Sauce samouraï. Elle déchire, ça va bien leur arracher la gueule. Alors on fait moins les malins avec la moutarde, hein. Ouais, bon, vous avez pas l'air très au point, Anthony, comme d'hab. À lundi pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les joueurs de foot et les chansons paillardes, découvrez Bali Balotelli. Bon bah voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors à lundi. Salut. Toi qui es supporter des Niçois, toi. Bah bien sûr, tennis, évidemment. Toi, Mika. Premier du championnat, les gars. Bah ouais, et Balotelli, il déchire. Hein. Bah oui, oui, oui. Deux doublés, je crois, en deux matchs. Ouais, non, matchs. Non, le gars est classe. Hein, ah, on me dit qu'on n'est pas au PMU, par contre. Ah, pardon. Et tu sais quoi, j'aime autant pas avoir à parler de foot en ce moment. Tu m'étonnes.

Plus 15%, le prix du tabac à rouler va augmenter, selon les déclarations ce matin de Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget. Il souhaite aligner la taxe déroulée sur celle des cigarettes normales. Cela représentera une augmentation d'un peu plus d'un euro, le paquet de 30 grammes. Et la mesure rentrera dans le plan de financement de la Sécu pour 2017. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, affiche ce matin son optimisme dans Les Échos. Le trou de la Sécu sera bientôt bouché, selon ses propos. Elle estime que le quinquennat de François Hollande marquera la fin des déficits sociaux. Les élèves sont trop bruyants à la cantine. Le maire demande à un policier municipal d'assurer la surveillance du repas. Cela se passe à Aigrefeuille-d'Aunis, en Charente-Maritime. Depuis la rentrée, à coups de sifflet, le policier réprimande les élèves qui ne mangent pas en silence. Les parents d'élèves sont bien sûr furieux. Le football, 7e journée de Ligue 1 ce soir. À 20h45, Toulouse accueillera au stadium le Paris Saint-Germain. Atem Ben Arfa est une nouvelle fois écarté du groupe parisien. Ce sera la 4e fois de suite. Et puis, ils ont fait leur choix. La compile de Bruno dans la radio sort aujourd'hui. 3 CD, 60 titres choisis par la famille. Vous pouvez écouter Kung, DJ Snake ou encore Alan Walker. C'est à gagner ce matin avec Fun Radio. Et Bruno, il est 9h04. Bonne matinée, bon week-end. Vendredi, c'est le 23 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h05, bonjour! Merci d'être de plus en plus nombreux chaque matin à choisir Fun Radio. Fun Radio, c'est tous les jours entre 6h et 9h15, un réveil qui s'annonce différent de celui de la veille. Parce que chaque journée est différente, nous devons de vous fournir chaque jour un Bruno dans la radio qui est différent. Et Dieu sait que ce matin, vous en avez vécu des expériences. Bootleg inédit entre Lady Gaga et Madonna, c'était chez qui? C'était chez nous. Participer aux caisses du siècle et aller braquer l'entrepôt Cdiscount à Cestas, c'était chez qui? Chez nous. Gad Elmaleh, Kev Adams, leur première interview, ils vont la faire chez qui? Chez nous. Lundi matin, 8h-9h15, en direct sur Fun Radio. Kev Adams. Gad Elmaleh, tout est possible. Ils montent sur scène, le duo va être juste énorme. Comment ils ont préparé le truc, comment ils ont bossé ensemble, comment s'est fait la rencontre, qui a le plus de fou rire, qui fait le plus le con, qui a écrit les sketchs, tous ces trucs là on va leur demander. Et puis alors on aura des invités, je préfère vous le dire, il y a pas mal de surprises. On a une grosse émission qui sera faite en public, d'ailleurs vous pouvez venir assister à l'émission. Il reste encore quelques places pour vous inscrire, c'est bruno@funradio.fr. et qui sort une compile aujourd'hui? C'est nous. La compile Bruno dans la radio débarque dans les bacs aujourd'hui. 3 CD, 60 titres. On a fait la compile avec l'équipe, c'est-à-dire que les titres qui sont dedans, on les a choisis nous. Par exemple, le nouveau Martin Garrix, moi j'ai dit je veux qu'il soit dedans. Bah, il arrive là dans quelques secondes sur Fun Radio. Pour l'instant, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top, gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Et aujourd'hui, on a eu un con du jour exceptionnel. Le con du jour, c'est une histoire qui arrive dans le monde entier que tu peux nous raconter le matin, Bruno. Il y a quelqu'un qui a volé de l'argent dans une banque. Enfin, qui a volé autre chose et d'une façon un peu bizarre. Je l'ai remis dans l'extrait, tu vois. Il est con du jour, il a essayé de faire un braquage et il s'est fait serrer parce qu'on avait retrouvé dans son casier un pot de vaseline. Il n'y a pas de vanne. Attention, c'est une vraie info qui était dans le journal ce matin. Voilà. La suite, pas en image. Il cachait des lingots d'or dans ses fesses. Exactement, pas des lingots d'or. Des liasses de billets? Non, de l'or en fait, directement, d'accord. Bon, vous savez, un petit palais d'or. Oui, moins gros que... Que le lingot. Que Mais ce qui est drôle, c'est la somme quand même. Ouais. 100 000. Le gars s'est mis dans le cul, les amis. Excusez-moi. 180 000 dollars d'or retrouvés dans son anus. Et tout le monde repense à la phrase de ses parents. Mais l'argent, tu crois quoi, que je le chie? Lui, c'était le cas. 180 000 dollars dans le yon. Oh, comment il s'est fait griller, tu ne nous as pas dit? Il a pété. C'est ouf, mais qui l'aurait pas fait en même temps? Comment ça, qui l'aurait pas fait? Mais tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ben, moi, je me parie. Déjà, et je peux dire que celui qui mettra 20 centimes, il va falloir qu'il se lève tôt. Numéro 2. J'ai l'image, c'est horrible. Bon, numéro 2, tu penses que si on te met 20 centimes, tu sors un café par la bouche. Numéro 2, j'ai mis un extrait de la chanson du jour parce que franchement, aujourd'hui, elle était top. C'est Sébastien qui voulait tout simplement demander en mariage sa copine. Il voulait l'épouser. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'il avait la bague dans les mains et il a été devant la porte juste après la chanson. Ouais. Et on a entendu tout ça super bien. Alors voilà, je pouvais pas résister à l'envie de vous le remettre. Sébastien ! Oui ? Bon ben vas-y, on écoute. Coucou, ben voilà, je me jette à l'eau, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Donc tu es vraiment mon grand amour. Tu es la mère de ma fille. Et aujourd'hui, devant toute la France, je veux l'officialiser et je te demande un mariage. Donc veux-tu m'épouser, ma chérie ? Ben oui. Oh, wow. Ah, c'était ouf. Plein de bonheur à eux. Un vrai bon moment. Allez, numéro 1. Numéro 1. On a un problème dans l'émission, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Fun Radio. Et des fois, et ça nous arrange pas. Et voilà, tout est parti. À la base, c'était Vaché qui a fait un Vaché Time et il s'amuse à répéter ce que disent les gens. Voilà. Ouais, je vous invite à le réécouter en podcast d'ailleurs parce que j'ai pas pu le mettre. Oui, non, mais c'est pas compliqué. Quelqu'un décroche, fait allô, tu répètes allô, qui c'est, etc. Voilà. Et donc, on s'est dit, vu que le Vaché Time était très drôle, je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose en direct. Et on s'est dit, qui on peut appeler à 7h du matin, susceptible d'être réveillé, on va appeler une pâtisserie. Exactement. Et c'est là où on a eu un problème. Pâtisserie Carlotti, allô. Pâtisserie Carlotti, bien, allô. Oui, allô, je vous entends pas. Oui, allô, je vous entends pas. Allô. Allô. Oui, allô, je vous entends pas. Oui, allô, je vous entends pas. Elle écoute Fun Radio. Hé, hey, à la pâtisserie Carlotti, vous êtes en train d'écouter Fun Radio. Oui, tout à fait. Mais non. En fait, c'est affreux. Et comme quoi. Ça fait plaisir. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de boulangers, notamment parce qu'ils en parlent entre eux. Ah oui. Mais oui, vraiment, je te jure. Moi, par exemple, à ma boulangerie où j'achète mon pain, elle a converti tous les boulangers du coin à écouter Fun Radio le matin parce qu'ils écoutaient des radios où ils se faisaient chier. Et elle leur a dit, mais écoutez. Et du coup, elle me dit, je vous remercie parce que tous mes potes boulangers, du coup, ils sont contents, ils ont découvert un réveil. Bon courage, mais oui, la boulangerie, t'arrives au taf, il est 3h du matin, comme ça, t'arrives, t'écoutes Fun, t'as un petit peu de son dance floor, ensuite t'as le best-of de l'émission, puis on arrive en direct à 6h. Les amis, on va vous souhaiter un excellent week-end. Petit tour d'horizon de l'équipe. Christina, que fais-tu ce week-end? J'ai l'anniversaire d'une copine ce soir, donc fête entre copines ce soir. On peut savoir quelle copine? Elle s'appelle Marion, je l'embrasse, c'est son anniversaire. Très bien. C'est Toutoune. C'est la meuf de Bruno. En fait, t'as pas été invité. Ça va pas, vous, en ce moment. Non, c'est pas la date. Vaché, tu fais quoi ce week-end? Je fais des cartons. Voilà, on va déménager dans une semaine, donc on continue à faire mais des là, cartons. T'es pas en stress parce qu'on est quand même deadline au niveau de l'accouchement, là. Ouais, en fait, il y a des grandes chances que le bébé arrive en même temps que l'accouchement. D'accord. Oui, le bébé va arriver en même temps que l'accouchement, ça c'est déménagement. Sûr. Ah oui. J'y connais rien, moi. C'est un truc qui s'ouvre, il y a un bébé qui sort, il chiale et après t'en as pour 20 ans. Quoi. Attends, je peux être honnête avec vous. Je saoule Vaché avec ça depuis le début de la semaine. Je suis persuadée que ça va arriver ce week-end ou lundi, oui, max. Parce que ma femme a perdu le bouchon muqueux. Vous voulez qu'on en parle? Elle a fait péter le bouchon. Ça parlera aux mamans qui ont déjà eu des enfants. Voilà, donc on a dit champagne. Maintenant, on l'attend, quoi. Je vais vomir, Bruno, arrête ça. Elia, tu fais quoi ce week-end? Bah, vous êtes ensemble. Ouais, la croisière s'amuse ce week-end, Bruno. Tous les deux. Mais et c'est retransmis sur Fun Radio ou pas d'ailleurs? Non, tant mieux. Parce... Pool party dès 18h sur le ponton. Oh, wow. Et après, dans le club discothèque, à minuit, nous mixerons pendant plus de 2h pour votre soir endiablé. Vous savez quoi? On fera un Facebook live. Ouais, faites-nous partager ça. Si on passe dans les eaux internationales. Oui. Bien entendu. Mais on fera un petit truc sur Facebook avec Elliot. Vous partez de Barcelone, vous atterrissez où? Enfin, vous accostez où? À Marseille. Ouais. Non, on à Barcelone. Oui, mais on allez jusqu'à Marseille. Ouais, on va jusqu'à Marseille. Ah d'accord, oui, c'est ça. Mais je pense vous savez où vous allez, les gars, ou pas? Les gars, ils vont se retrouver à Cancun au Mexique, ils vont faire merde. Pourquoi tout le monde porte un sombrero? Mais si on n'est pas là lundi, vous vous démerdez avec Gad Elmaleh et Kev Adams, ça c'est drôle. Non mais ouais, ça va être l'occasion de draguer de la vieille. Ça. Allez. Bah. Allez, bon week-end, merci. On est parti. Châtelain. Châtelain. Mickaël, il a le don de mettre les pieds dedans. Il y a le nouveau patron qui s'occupe de la technique à Fun Radio, qui est en train de voir bah, comment ça se passe. Fun Radio, il visite toutes les radios. Et il y a le gars qui est en train de taper sur son micro avec une télécommande. Je fais un test micro. Oui, tu vois, bien sûr. Voir si ça marche bien. Moi, je vais à Toulouse pour l'anniversaire de ma copine, les amis, ce week-end. Super, ah, cool. Très bien. Voilà. Non, bah, je vous le dis, je partage ma vie, moi, un petit peu. C'est vrai qu'à chaque fois, on est un peu cassant, on fait genre qu'on s'en fout de ce que tu dis. Bon, tu nous facilites. Tu pas peux la me regarder tâche. Aussi, monsieur, quand tu Non, non, tu nous facilites pas les choses. Alors, cette cousine. Alors, non, non, mais c'est copine. Pas ma cousine. Ah, c'est la copine, ouais. Ouais, tu vois à quel point je m'en fous, j'ai même pas écouté. Comme quoi, même mes oreilles me trahissent. On est invité ou pas? Bah, si vous voulez, venez à Toulouse. Ah, les merci, amis, Elliot, de nous tendre ce piège. Donc, c'est quoi? Non, mais en fait, c'est parce que là, on le fait sur un truc de déconne et on s'en fout, mais si tu le faisais, genre. En bande-annonce cinéma, je suis sûr que ça intéresserait les gens. Ah ouais. 20th Century Fox proudly present Mika le Châtelain with his brand new movie this weekend. I'm going in Toulouse for my wife's birthday. Wow. Du suspense. Mais qu'est-ce que tu m'as encore offert comme cadeau? Mais chérie, c'est de la porcelaine, tu m'avais dit que tu adorais ça. Je voulais des chaussures. Oh, mais je pars en chercher tout de suite. Il n'y a pas de magasin de chaussures ouvert à Toulouse. Bonjour monsieur, vous cherchez des chaussures? Oui, s'il vous plaît. Moi je suis pâtissier, mais c'est juste pour savoir. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, des chaussures sortent de son ventre. Ah, nous sommes des chaussures magnifiques. Mais pourquoi nous sommes partis dans ce sketch qui devient n'importe quoi? Au secours, sauvez-nous. Oh là là. Le week-end à Toulouse, chez la femme de Mickaël Châtelain. Prochainement sur les écrans avec la Fox. On vous souhaite un bon week-end, on revient lundi. Oh, j'adore. À lundi. À lundi. Et attends, t'as pas vu lundi quand je vais te débriefer le week-end quand même? N'en rajoute pas, toi. Moi, je veux bien te sauver à un moment, Mika, mais si tu te rejettes à l'eau toutes les 3 minutes, je te laisse te faire bouffer par les requins. Je vous aime. Martin Garrix pour attaquer le 9h midi. Bisous, la famille. Bisous. Ciao. Bisous. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy.

En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, pour un jean complice homme ou femme acheté, le deuxième est offert. Et attends, super coupe et plein de coloris. C'est super, ça. En plus, tu peux mixer les tailles, les couleurs, les modèles femmes, les modèles hommes. C'est super trop cool. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un jean complice homme ou femme, plusieurs coloris au choix, le deuxième est offert. Possibilité de panacher les modèles, voire modalités dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.